en direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 12 de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast, édition du post-mortem. Déjà. L'alignement de... Ouais, malheureusement, l'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 75, JF Cromp. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Marc Verroux. Wouh! T'as de chier? Non, c'est quelqu'un qui a roté, puis ça pue. Pas moi. Je pense que c'est moi, man. C'est toi? Je pense que c'est moi. Le numéro 98, Alex Galipo. Ouais, le numéro 31, JF Mallette. Ah, j'ai mangé un genre de poivron tantôt. Ah oui, au poivre, en plus. Un poivron au poivre. Un poivron au poivre. Ça m'a fait bien plaisir. En fait, c'était un genre de pépéron. Tu m'as soufflé ça dans la tête. T'as-tu mangé du pépéron? Tu sais, j'ai fait le genre de... Un goût de pépérette. Tu sais, le genre de rot que tu fais, là, c'est genre tu te gonfles les joues, là, ça fait comme pouf. Sans l'air de manger. Ceux-là, c'est les meilleurs, man. C'est vrai que tu fais à ton boss. Tellement du bien. C'est vrai que tu fais à ton boss. Parce que quand t'as des gommes une couple là, dans la soirée. Les plus savoureux, c'est je suis vraiment désolé pour toi. Toi aussi? Ben oui, j'ai mangé le même pep. Le même pep au poivre. Je vous rappelle que c'est le post-mortem. Ah ouais, c'est ça. Pour ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle de saucisses. Sausage. On va aller faire l'avant-match tant qu'à parler de saucisses. Marc, il y a comme deux sous-verres. Une pour sa bière pas ouverte, puis une pour sa bière ouverte. Puis une pour sa bière pas ouverte, pas de sous-verre aussi. Ouais, tous les styles en même temps. Ouais, c'est ça. Martin, c'est le maître des styles. Marc, ouais. Hey, sérieusement, je suis polyvalent avec. Avec des sous-verres. Moi, les sous-verres, ouais, c'est mon affaire. Il est polyvalent, pas de sous-verre aussi. Ah, chacun propre. Fait que, mais à tes heures. Ouais, c'est ça. À mes heures. C'est comme cache en train de vomir d'une plante bande. C'est maintenant l'heure pour les positions finales du pool de la soirée du podcast pour cette saison. Doive, t'as-tu ça? Doive. Ah, c'ti. Bon, t'es pas prêt. Pendant que Dave cherche les stats, on vous invite à aller voir Mallette Enquête qui se termine ce soir. On enregistre le dernier épisode de la saison après s'être presque fait tuer au 10-30, moi, PGF. Que se passera-t-il pour cette finale? On le sait pas. On décide ça tantôt. Là, on va voir ça tantôt. Mais ouais, allez voir ça. Hashtag Mallette Enquête. Allez voir sur notre YouTube. Il y a une belle playlist de ça. Il y a comme 17 épisodes. Là, c'est, ça. Ouais, c'est intense. Ça, c'est un film. T'écoutes ça bout à bout. T'as une belle demi-heure. Ouais, c'est... Une belle demi-heure. En tout cas, on sait que c'est qui le gagnant. C'est Doug. C'est Doug Jordan. Sire-moi les pompes. Ouais, on va y revenir. Ouais, là. C'est le Suisse, ça. Je voulais qu'on fasse de 5 à 1, mais il a gagné, là. Il a gagné. Ouais, il sait qu'il a gagné le tabarnak. Le monde qui s'écoute, ils savent. OK, là, donc, en cinquième position, nous avons Jean-Michel Brière. Bravo! En quatrième position, nous avons Jason Cavallaro. Oh, il a roulé son air. Troisième position, nous avons Bruno David. Bruno David. Bruno David. Félicitations, Bruno, tu gagnes rien. Ouais, malheureusement. En deuxième position, nous avons Alexandre Girard. Oh. C'est lui qui nous a écrit pour dire qu'il n'a pas été capable de rattraper le premier. Ça se peut, sûrement. Ouais, c'est le deuxième. Et ouais. En première position, ça, c'est pas notre problème. Celui qu'on n'a pas gâché le punch. Non, nous avons. Tu l'as gâché, moi. Nous avons Doug Grimmer. Doug Jardin. Le gars de la Suisse. Le gars de la Suisse. Fait que. À quelle position? On va te faire parvenir ton t-shirt, mais qu'il soit en spécial. On devrait à toutes les Nords américaines suivre la NHL, le chien. C'est quoi? Faut-tu envoyer ça en Suisse? Oui, on va choper ça. Non, mais, non, mais là, justement. On n'envoie pas ça de même. Aujourd'hui, il va nous envoyer un fromage en retour. Stie. Aujourd'hui, il y a Pierre-Yves Giacometti qui nous a écrit justement pour savoir s'il pouvait acheter des t-shirts parce qu'il est passage à New York. Tout, j'allais dire de quoi aujourd'hui. Là. Fait qu'il y a une boutique qui s'en vient là, de Yonk avec la soirée du podcast et tous les autres projets. Fait que vous allez pouvoir acheter vos t-shirts directement là-dessus avec un crayon vivant ici. Et on va faire parvenir le t-shirt du gagnant directement. À partir de là, fait que ça, le shipping va être comme. Gratis. Géré par la business. Ça se peut qu'on attende une vente de free shipping parce qu'on est cheap de même. Ouais, on attend genre un 15% de rabais plus free shipping puis on t'envoie ça. Ça arrive une fois par année. L'autre, il a attendu combien de gang de cassés. Il a attendu jusqu'au mois de décembre à peu près. Ouais, de l'année d'après. Ouais, c'est ça. De cette année. Sois patient, ça s'en vient. D'après moi, tu vas l'avoir avant. Avant. Tiens, mettons. Avant, quand je te le dis pas, mais avant. Non, l'autre. Attends c'est, pas après ça pour t'acheter un t-shirt, tu sais. Ils sont tellement spéciaux, ça prend à peu près 8 mois de chute. Va magasiner avant, tu sais. J'espère que t'as d'autres t-shirts à ton actif. C'était Jacques Germain qui avait gagné, puis il a attendu jusqu'à temps de nous dire de plus lui envoyer pendant qu'on y avait envoyé déjà. T'es à quelle position, Jacques Germain, en ce moment? On va te dire ça, Drette, là. Beau 41e. Ben, c'est ça, hein. Hein? Tu veux chialer, mais je suis dans la cave. Pour pouvoir porter comme dernier, des gens de soupe. Le dernier, c'est J.S. Chaplot. Il aime ça qu'on le rappelle tout le temps, qu'il est dernier. Parce que J.S. J.S., c'est tout ce que tu mérites. Pour nous avoir créé le pool, tu mérites juste de finir en dernier. Exactement. Juste pour votre information, Mallette, c'est le plus poche du podcast. C'est lui qui chiale le plus. Non, mais on va dire nos positions, parce que le monde veut le savoir. Tu connais ça, le hockey? Le premier du podcast, c'est Mart. En 9e position. Yeah! Après ça, c'est 10. Alex Galipo avec, en 12e. Après ça, c'est Alex Cromp en 15e. Jeff Cromp en 18e. Puis moi, j'ai remonté. Je suis monté 28, man. Down! Tu fais des échanges? Hein? J'ai clashé ma lettre. Moi, j'ai fait pas d'échange. Moi, j'étais premier à 12e. Hein? À quelle position t'es remonté? 28. Hey, j'étais 30e à un moment donné. Ouais, t'as grimpé. Hey, j'ai monté 10 places. Mais j'étais déjà fini, anyway. Ouais, ouais. Rendu tout est fini. On l'avait pas dans le top. Il y a le Mart de 9e, right? Ouais. Yeah. Represent. Au moins, il y en a un dans le top 10. Puis les Suisses sont 1, 6 et 7. Fait que Shane Mario, pas quand même. Tout le monde de Montréal. Ouais, parce que good l'autre et tout, là. Moi, je dis qu'il est triché. Justement, là, Pierre Giacometti. Giacometti, là. Ouais. Il est 7e, son fils est 6e. Fait que c'est tout des Suisses, là. Ouais, puis Chris, il suit plus la NHL que nous autres, là. Ça veut dire qu'ils connaissent leur hockey. Non, c'est juste qu'ils ont juste fait un. Non, il est juste meilleur que toi. Hey, c'est toi. Il y a 3 Suisses dans le top 10, là. Shame on you, le monde de la Non, mais c'est hot parce que ça fait au moins 3 Suisses qui suivent le podcast. Mais en attendant d'avoir ton t-shirt, tu peux continuer de t'habiller avec des affaires comme le monde des annonces de Ricola. Là. La genre de strap en cuir qui passe entre les deux bretelles. Puis qu'on lit genre ton t-shirt avec la grosse crise. Ouais, la grosse trompe en mousse. Ils savent peut-être même pas c'est quoi en Suisse. Ah, c'est vrai, hostie. En tout cas, le saut. C'est probablement 100% canadien. Le saut avec le petit chapeau avec la petite plume. Ouais, c'est comme un saut de bavarois un peu. Un bavarois. Des flamands. Puis, ouais. Fait qu'avant de commencer le podcast, je veux dire que, ben, on fait relâche. On fait relâche cet été. Ça se peut qu'on fasse des épisodes spéciaux. Là. Il y a du monde qui ont demandé de faire la période des trades. Ouais, le repêchage, ça, JF? Ouais. 1er juillet, puis repêchage, c'est peut-être. C'est pas mal la même crise de date, ça. Ben, c'est repêchage, dans le fond. Là. Ouais. Fait que ce qu'on peut faire, c'est juste être live, puis se foutre de la gueule du monde. Ben, le repêchage, ça peut être drôle. Là. T'écoutes le repêchage live. Ça, puis tu décommences le match. Ça peut être pire qu'à 25 Stanley. Pendant 8 heures de temps. C'est bien trop long. 8 heures de temps. Avec c'est comme un reality show. On commence, là, on boit, puis après ça, à 7-8 heures, t'es rendu Maganen. Et 6 mois, tu te connais. Moi, s'il n'y a pas des rouges, même. Puis si vous voulez continuer à nous suivre pendant l'été, sinon, on a la jasette qui se continue quand même. Si on arrête à sortir du podcast. Jazette on tour, c'est ça. On va parler un peu de hockey dans Jazette. Peut-être, là, mais. Non. Ben, c'est une nouvelle big news, là, comme Stamkos signe à Montréal. C'est sûr qu'on va finir par jaser de hockey, parce que c'est au Québec, on jase de hockey tout le temps. On va être on tour cet été, fait que. On tour? Probablement. On tour? On tour des balcons. On tour. On tour des balcons. On tour des balcons. Fait que sur ça, on va commencer la première période. Non. On fait juste avant match. Non. Non, attends. Juste des que dire de cette belle saison? Ben, de la marde dans le cul de la Rafa Bien. On passe tout à la deuxième période. Ben, c'est quasiment pas ça. Okay, là. C'était tellement bien parti. Cette année, c'était comme une genre de gros. Le CH était comme une genre de grosse crise de diarrhée. Là. Puis là, on s'essuie, puis on recommence, puis on espère que ça chie pas l'année prochaine. Non, mais on s'attendait pas à ça. Les analogies. On s'attendait pas à ça avant que tout crash. Au début de l'année, on se disait comme. Avant que la chaîne débarque, c'est notre année. La fenêtre est ouverte. C'est notre année, la fenêtre. Ah, le châssis est ouvert, là. Ah ouais, c'est si t'écoutes les premiers épisodes quand on gagnait du match de suite, je suis ça serait totalement différent. Mark, cette année, le Canadien, là, c'est le cirque, mon ami. Et tous ces numéros. C'est une gang de clowns. Mais pour pourquoi tu sors du passe partout? Les Suisses comprendront pas la référence, là. Partout. Ah, ben, qui mange la merde, eux autres, regarde. On peut les pas faire un show pour les Suisses tout le long non plus. Là, on les voit bien, là, mais ben, Chris, là, le gars. On fait-tu un tour de table de nos plus et moins de la saison? Total, on va faire un spécial pour les Suisses, on mange un morceau de fromage. Un fromage suisse, après. Manquez pas ça à l'entraque. Fromage suisse craft, là, ça va être tellement n'importe quoi. Un single. Single craft suisse. Le pire, c'est que c'est dégueulasse, fromage suisse. C'est bon. Du vrai, c'est. Un vrai fromage suisse, c'est bon. Anyway, on parle-tu de hockey? Ah non, mais sérieusement, qui aurait pensé que la saison aurait viré de même? Là? Puis on aurait pu. Qui? Marc Bergevin, il savait pour ça qu'il n'a pas fait de trade. Non, sérieusement, avoir les records genre des pires défaites dans l'histoire du Canadien quand t'as aussi. T'as eu les deux affaires. T'as eu les plus grand nombre de victoires au début. Ouais. Puis ça a tout chié après ça. Après ça, t'as le plus grand nombre de défaites dans l'histoire. Juste pour un goaler, là. C'est, on écoute la conférence. Non, c'est là, plus loin c'est... que ça. Non, mais nous autres, on le sait que c'est plus loin que ça. Mais selon Bergevin, ah non. Ça a chié à cause que Price n'était pas là. La grosse. Mettons, ça, c'est 80%. 80% de pourquoi que ça a fait ça, c'est à cause du goaler. Il y a 20% que vous, c'est le reste. Ah, moi, je descendrai encore plus. On va dire 60-40. Là. Ouais, moi, tout, je serais prêt à dire ça. 60-40. Le MVP de la Ligue, ça vaut plus que 60-40. Ouais, je sais, Alex, mais gars. Voyons donc, Chris, tu ne gagnes pas une coupe à MVP de la Ligue, oui. Exact. C'est pour ça qu'il n'a pas bougé parce qu'il savait que même si c'était pour faire n'importe quel trade cette année, si t'as pas Price d'un goal, tu te rends pas à coupe. Non, c'est simple que oui, ça. Non, que ça donne de changer toute ton équipe. T'as pas Price d'un goal, tu sais que tu te rends pas à coupe anyway. Je suis d'accord partiellement parce que oui, c'est vrai, t'as raison là-dessus. Sauf qu'en même temps, ton équipe peut pas se permettre de même pas faire les séries. Mais ça, c'est à cause des vétérans. Ok, on en reparlait, je suis sûr, plus tard. Dans ouais, deuxième et les extraits. Là, ça, c'est à cause de plein de les autres facteurs que je dis qu'ils sont 20%. Que... Mais non, t'as peu. 70-30, correct. Ouais, mais là, tu dis Price a une coupe. Là, hey, avec Montréal, le meilleur qu'on peut espérer, c'est une finale de conférence. Mais si t'as pas Price d'un goal, tu gagnes pas la coupe. Même avec Price. On s'attend-tu que sans Price d'un goal, tu gagnes pas la coupe? C'est sûr. Ah non, tu gagnes. Bon, okay. Hey, avec Price, on gagne même pas une finale de conférence. Non, avec Price, on a une chance de gagner la coupe, right? Non, pas assez. Il manque encore je la coupe. Je parle pas des autres joueurs, mais en position goaler, avec Price, t'as une chance de gagner la coupe. Ben ouais, mais pour n'importe quel club. C'est un tout. Après ça, tu rebondis là. Avec Crawford, avec, comme avec Louis, comme avec Quick, comme avec Six. C'est correct. Après ça, là, tu parles de là. Bon, là, j'ai la bonne personne au goaler pour gagner la coupe. Après ça, là, il faut que je bâtisse ma défense. Faut que je bâtisse ma défense pour être capable de gagner une coupe. Après ça, faut que je bâtisse mon attaque pour gagner une coupe. Montréal est pas rendu là. OK. Mais on a le goaler, right? Mais si tu perds un des trois, tu gagnes pas la coupe. Fait que là, lui, il savait tout de suite en perdant le goaler. Ah ouais, mais gars, on préfère à l'inverse. Les Islanders, ils ont John Tavares. Mais ils gagneront jamais de coupe avec juste John Tavares. Mais c'est ça. Mais s'ils perdent, puis ils ont tout le reste, ils gagneront pas la coupe. Ben, si tu perds John Tavares et t'as un esti de bon goaler, t'as peut-être plus de chances de survivre. Un attaquant, c'est plus facile. Un attaquant, Tavares, c'est plus facile. Il a l'idée son team en tabarnak. Ouais, un attaquant ou un défenseur, c'est plus facile à remplacer. Joueur, mais si ton goaler, un goaler est plus important peut-être qu'un joueur d'attaque. Mais parce qu'un deux à trois joueurs d'attaque. Okay, un joueur d'attaque, là, un bon joueur comme Tavares, va t'amener quoi? Un but, si c'est hot par match. Tandis pour que ça, je te dis, deux c'est gars ça. Vont remplacer ça. Un goaler, c'est irremplaçable. Un goaler peut être plus imposant. Mais surtout un cas de Price. Parce que un point par match, parce que je parle de la meilleure des mondes. Un goaler, c'est irremplaçable. 82 buts par match. Surtout Price. Ça n'a pas de sens ce que tu dis, parce que Price serait revenu au jeu en première ou deuxième ronde. Fait que botoué pour qu'il puisse revenir au jeu. Non, mais c'est ça. Justement, là, après ça, c'est, je te parle de l'autre 20-30%, ça, c'est une rue, qu'ils n'ont pas fait la job. Ça, je vous dis pas que les joueurs ont fait la job. Après ça, le reste, ben non, ils n'ont pas fait la job. Fait c'est à cause job. De ça que ça a vraiment tanké, parce que Condon, pendant un bout, il a fait la job. Ouais, le reste des joueurs qui n'ont pas fait la job. Sauf que si tes joueurs, si mettons, OK, on va te donner le 30%, ton 30% d'autres joueurs là, font leur 30% de job qu'ils devraient faire, là. Mm-hmm. On est supposé faire les séries. Là. Ou proche. Ouais, on est supposé défendre. Ouais. Pendant une longue séquence, là, on se faisait tout le temps. On écoutait le hockey, puis là, mettons, on comptait deux buts canadiens. Puis on n'avait vraiment pas confiance parce qu'après ça, on avait deux hosties de garbage goal ou whatever qui rentraient. Après ça, tu vois que les gars tombaient à terre. Là, il y avait le troisième but. Ils n'étaient pas capables de scorer. Mais combien de games tombaient à terre, hosties, quand quelqu'un. Mais combien de games c'est arrivé, ça? Oh, mais ça, c'est arrivé. Oh, mais la perte de Price, c'est plus que Price dans le filet, c'est Price dans le vestiaire aussi. Ouais. Ça fait ouais, mal. C'est, le, ça, le, c'est, parce c'est que pas là, compliqué. Condon échappait sa gourde, style l'équipe était démoralisée. Ouais, ouais. Mais ça, ben, c'est, le caractère, t'es pas là. Mais il y a le leadership aussi de Price. Veux pas avec toute cette merde-là. Ben là, t'es trop sérieux, ça me fait peur. Non, mais avec toute cette saison de merde, il y a un point. Il était à la ronde des call-out. Avec toute la saison de merde, il y a un point positif. C'est que notre deuxième goaler a une assez bonne expérience. Les jeunes ont grandi. Non, mais pour de vrai, ça a donné aux jeunes tout de l'expérience. Puis troisièmement, ça donnait à nos jeunes vétérans qui sont les capitaines puis les assistants cette année. Vous ne pas, c'est pas des vieux vétérans. Ben non, ça... nos assistants, t'as marre. Mais on a-tu rien? Il y a quoi? Mais... Ben, t'appelais Canuck puis Markov. OK, fait que... Hey, je pense à ça. Dans le fond, tu parles puis j'aime tes explications parce qu'elles sont quand même claires et très bien expliquées. Non, mais là, tu m'interromps. T'as l'air d'être content que le Canadien fasse pas les séries. Parce ça que dérange c'est pas. Bon pour les ça gens, dérange c'est pas. Bon pour les vétérans. Ça me dérange-tu? Ça me c'est dérange pas. Pas paniqué. Ça me dérange pas. OK. Fait que toi, dans le fond, t'es comme genre, si le film il est plat, c'est pas grave. It's si je bois une liqueur flat qui coûte le jus de cornichon, c'est pas grave, étant spécial. It's okay. It's okay. On peut-tu être en tabarnak qu'il n'a pas fait des playoffs? Pourquoi je suis en tabarnak? Ouais, mon parce que Chris, c'est le Canadien de Montréal! Les fans, Asti! Le Canadien de Montréal! Le Canadien de Montréal a une équipe de moi, je veux qu'ils gagnent, Asti! J'ai pas de plaisir à les voir perdre! Jeff, quel team t'écoutes depuis 23 ans? On a un team de marde depuis 23 ans, là, tu sais. Non, mais ça ne s'empêche pas de l'écouter. Quand ils gagnent puis ils gagnent une ronde, on est tous de bonne humeur, Asti! On capote! On sera pas contents. Quand on va au Sandbell, là, après ça, c'est là, ben là, on a juste gagné deux rondes. On là, est changé de ben team. Mais non, mais quand on s'en bat toute la gang puis qu'ils gagnent, on est de bonne humeur. Ouais, mais on est content. Faut voir un petit peu plus loin. On est en tabarnak. Ouais. Là, je dirais. Ouais, ouais. Mais ça rassemble le monde, le Canadien, ouais, quand ils gagnent. C'est vrai, quand ils parlent de ça, tout le monde capote. Mais ça fait toi. Non, mais là, c'est ça, mais je suis pas content. Mais qui doit être content à ça? Qui est content que le Canadien va être playoff? Moi, je suis content, oui. Moi, je suis content. Ce qui me rassemble le plus entre le Canadien ou la bière que je bois avant? Moi, je pensais à la bière que je bois avant qui me rassemble. Mais non, mais il n'y a pas à me faire accroître que t'es pas content quand le Canadien gagne. Moi, c'est la bière. Y a-tu quelqu'un qui est pas content quand le Canadien gagne? Moi, je suis pas content qu'il faut pas être playoff. Non, ça fait chier, je comprends. Mais attends un peu. Moi, j'ai une question, par exemple. On a-tu régressé cette année? Oui, si, en tabarnak! Non. C'est ça, Alex, toi, tu dis non. Je dis oui. Moi, ça la fenêtre, elle nous a tombé ses doigts, tabarnak. Ça l'a donné un nasty bon bagage en ce moment, à nos jeunes. C'est symptomatique de la saison de voir comment JF est crissement trop émotif pour fuck all en ce moment. Là. Oh, ouais. Tu capotes pour rien. Là. On essaie de voir. Il commence à shaker. Ouais. Non, non. Ah, mais il a raison. Oui, j'ai raison. Il a raison de s'emporter. T'es en sevrage, t'es à 50 à soir. Et où ta modelo, Calice? T'es sold out. Mais c'est tout le même dépanneur. On parlait des PCD. C'est parce qu'il va tout le temps à la même place, puis c'est lui qui est hey, mais moi, si hey, mais plus, moi il tout ça m'en calisse, man. Hey, au nombre, là, sérieusement, là, de qu'est-ce que ça donne de se mettre en calisse en ce moment? Non, asti, non mais pas, non, mais, non, je pas en ce moment. La saison. Déçu, OK. Déçu, mais en calisse, moi, non. Fuck you, man. Non, c'est frustrant. Alex. Hey, fuck you, OK. Puis les Suisses aussi. Hey, t'es en calisse? Fuck you, man. Je m'en contre-calisse que tu me dises fuck you. C'est décevant. T'as le droit de me dire. OK, parfait. Ça, t'as le droit. Toi, tu vas me dire que t'as trouvé que les joueurs, ils ont showé up, toi? Non. Ben, c'est ça. Moi, ça me déçoit en tant que veux, veux pas. C'est sûr que je t'en au nombre de temps, fans donne... qui sont là, tout le temps là, c'était des mecs à payer les codes de salaire avec des joueurs. Ça, là. Hey, non. Moi, je pense qu'on a régressé. Fuck pas, man, avec ta crowd. Ouais, j'aimerais mieux qu'on part sur le Canadien. Pourquoi moi, où je pense qu'on a régressé, c'est que si on enlève Price, on est une équipe de bas de classement. Mais ça, on savait l'année passée avec Price en santé, on le voyait. Ça vient donc de nous prouver que On a pas ce qu'il faut pour se rendre au next level. On a des sorties de lacunes. Non, mais on a des lacunes, oui. Mais est-ce qu'on a régressé? T'es pas d'accord avec ça? On a régressé. Non, parce on est juste even encore. On est toujours even. Price, grâce à Price, moi, je donne moins MVP cette année. On s'en quitte de Price, il est blessé. C'est ça. Non, on a MVP un gars qui a manqué genre 8 mois. Laissez-moi expliquer. La question, c'est pas ça. La question, c'est celle de Dave. C'est on a-tu régressé, oui ou non? On n'a pas perdu de joueur cette année à part Price qui était blessé. On n'a pas régressé. On n'a pas régressé parce qu'on sait qu'on est mauvais sans Price. Tu fais aucun sens. On est even. Tu pètes une coche après ça, on peut régresser. L'émotion. Moi, je pense qu'on a régressé even. Parce qu'on a découvert qu'il y avait un problème qui était plus grand que juste la perte de Price. OK, mais si les joueurs arrêtent le 30%, justement, on a découvert le 30% qu'il y avait un problème. Il y a un éléphant dans la pièce. Non, mais si on découvre qu'il y a un problème plus grand que Price. On ne sait pas c'est quoi, mais il y a un problème. Si les gars se seraient levés... On est émotifs en tabarnak. Si les gars se seraient levés comme qu'on aurait voulu qu'ils se lèvent, avoue qu'on aurait perdu moins de matchs, fait que la perte de Price aurait fait moins mal, right? Fait que là, on parlerait même pas de ça comme c'est un désastre qu'on aurait régressé. Si les jeunes puis les vieux auraient pris le leadership et auraient dit comme fuck off pendant comme 20 games, Alex, là. On serait pas en train de parler de ça parce qu'ils se sont plantés cette année. On va dire qu'on n'a pas régressé, on va dire une chose, c'est que... Je suis pas prêt à tous les mettre dehors à cause d'une année. Mais si on n'a pas régressé... On a eu un reality check. Ça va leur donner ça aux joueurs. Puis l'année prochaine, si ça arrive encore, ça arrivera même pas cette situation-là. Moi, sérieusement, Alex, ça, c'est-tu quoi? Ça me dérange pas de perdre, mais j'aime ça qu'on perde en se battant. Puis en ayant de l'émotion, puis là, il n'y avait pas d'émotion. Je pense que les gars, là, c'est comme le. La systolie, là. Ouais, mais là, c'est comme... Les gars, ils savent qu'ils ont fait ça. Mais la bonne affaire, c'est que les gars, ils savent qu'ils ont fait ça. Fait que l'année prochaine, si jamais on a une streak de perte qu'on perd, c'est la ligue. On va. Les gars, l'année prochaine, ils vont savoir se relever. Tu viens-tu de la systolie, man? Moi, je viens de la Moldovie, man. Moi, je viens de la Modelo. Moi, ça m'écoeure. Voir du monde pas se lever. Puis autant ouais, c'est ça qui m'a fait chier le plus. Ils ont eu leur leçon. Puis ils savent, puis ils l'ont dit en conférence de presse. Ça fait de l'année que c'est ça qui est arrivé. C'est pas eux autres qui l'ont dit, c'est Donald Beauchamp. Non, il y a les joueurs qui l'ont dit aussi. Mallette, tabarnak. Les joueurs, ils ont fait la cassette, puis ils ont juste comme... Ils l'ont dit qu'on n'a pas eu leadership. Patio l'a dit, je voudrais jouer Benjamin avec Patio. J'ai pas su dealer avec la pression. Patio, sérieusement, il a gagné des crédits. La manière qu'il... C'est pas caché, au moins il a fronté la patate. Mais c'est une crise de bonne affaire, man. T'sais, il faut que tu tiennes devant des gars. Il a fait une année pour doubler, pour se réveiller, j'ai pas fait ça. Sa première année, puis il n'y a aucun vétéran. Faut quand même... T'as pas eu de passation de leadership, là, du tout. Il n'y a aucun vieux pour l'aider, man. Toutes les... Dans les dernières années, les vieux qu'on a perdus, ils n'ont pas été remplacés, les Georges, tout ce gang-là, qui était probablement le cœur du leadership du Canadien. Ben, c'est pas nécessairement des bons joueurs. Les joueurs, c'était tous des body à Price et tout. Georgia, c'est un super bon chum à Price. On parle, comme même Patio l'a dit, Malotra, man, il aurait aimé ça qu'il reste parce que ça aurait permis à l'aider à dealer avec ça. C'est sûr, ça t'en prend des vieux singes. Al Gill, n'importe quoi. Mike Weaver, Francis Bouillon, le petit. Mais tous ces gars-là sont partis, fait que là, les jeunes, t'as comme tout fucké. Puis pour de vrai, Plekanec là-dedans, il est de la merde. Non, mais c'est pas un leader, c'est un bouchon de bière, non, mais les vieux comme Markov n'ont plus parlé, mais c'est pas un vrai leader, c'est ça, c'est ça, le problème, c'est qu'on a pas de leader, en fait on a pas de leader, mais il était pas là cette année, puis quand on est pas dans le vestiaire, quand on leader est pas dans le vestiaire, ça part mal, les jeunes Ils n'ont pas été capables, les jeunes vétérans, comme Patchou, c'est un jeune vétéran, ils n'ont pas été capables de prendre la responsabilité. Mais l'année prochaine, qu'est-ce que je dis cette année? Oui, c'est de la merde, mais l'année prochaine, ça va être bon. Parce que tu penses que Patchou va vraiment devenir un meilleur leader. Il va être meilleur que cette année. Non, il va être meilleur que cette année. Va-tu devenir la meilleure leader? Je pense aussi que c'est inné, mais je pense que tu peux quand même apprendre de ça. Il sera peut-être pas le meilleur leader que le Canadien aura jamais eu, mais il peut être meilleur. Il peut l'aider par l'exemple. Il peut pas être pire que l'année passée, ça peut pas. Tu peux pas être plus dans le bottom que cette année. Que ce soit inné ou pas, je pense qu'il va avoir appris puis il va être quand même mieux. Il l'a dit lui-même qu'il avait eu de la misère avec le capitaine puis porter ici à Montréal, c'est dur. Non, mais ça. Il s'attendait pas à ça. Puis il y avait personne pour les fucking who, man. Mais ça, là, j'ai appris ça énormément qu'il a dit ça, par exemple. Ça m'a racheté paturity un peu dans un sens. C'est une excuse, mais au moins ça paraît que ça fait, justement, no excuse, on a eu une bonne heure et demie d'excuses en conférence de presse. No excuse, c'est ton slogan, c'est de la part de Bergevin. Excusez, je suis débarqué. Ils ont juste fait ça cette année. Ok, mais ok, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Rien, ils n'ont pas le droit. Mais enlève-moi ce calice de no excuse là de base, c'était pour faire des excuses. Ça, c'est pour te pomper avant de rentrer dans une game. Ça calice, les joueurs, je suis sûr qu'ils ne voient même pas. Laisse-moi, ils ne parlent même pas anglais. Non, mais c'est juste un slogan à tabarnak. C'est pas que, oh, ben là, si on va en conférence de presse, on n'a pas le droit de rien dire. Ça pas c'est ça. Ça ne savent pas parler, en tout cas. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais Mélène, regarde ça. On va revenir sur la conférence en deuxième. Mais c'est ça, ça fait s'enfler. No excuse. Il y a vraiment une phase de triseau. Pas prendre ça littéral. Bouge de triseau. Avec tes palettes. Il a l'air de râteau. Emeline, ouais, il était peur un peu. On dirait que c'est fait piquer par une abeille dans la face. Il s'est fait piquer par une abeille. Il s'est fait coller des shops, il a plein de métal. Il a l'air d'avoir besoin de son épipène. Un épipène dans la bouche. J'analysais ce que vous disiez tantôt. Patchou, il a avoué en conférence de presse qu'il aurait dû être meilleur. Pourquoi qu'il n'a pas été meilleur? T'sais, c'est comme ça, il a pris, genre, à la fin de la saison, il se regardait le miroir et disait... Oh, man, t'as-tu joué un sport d'équipe, dude? T'as-tu déjà pas performé comme il faut, j'ai déjà coaché. T'as-tu déjà joué, puis à la fin, il disait, Chris, en fait, c'est quoi, je regarde sur ma saison, puis... Asti que j'aurais dû être meilleur. Ouais, mais Malotte, je pense que c'est leur job, Asti. Ils analysent sa saison. Moi, je pense sérieusement que tout le fuck-up qu'il y avait dans cette vestiaire-là, c'était... au-delà même de ce qu'ils pouvaient gérer. Pas de fuck-up dans le vestiaire. C'était général. Hein? Là, c'était généralisé. Là. Le fuck-up dans le vestiaire, ça, c'est des oui-dire puis des blabla. Alex, arrête. Mais c'est des caves, sérieusement. Ce que tu penses, là, Alex, aussi, tu penses qu'il n'y a pas de fuck dans le vestiaire. C'est sûr que les gars vont s'engueuler. Quand on joue un sport d'équipe, c'est normal. C'est normal. C'est quoi? Ouais, ils s'engueulent. Ça se fait des câlins, ça se règle pas. Bonne game. Ouais, mais tu vois. Non, moi, là. Toi, je sais que tu ne l'aimes pas, mais Martin Lemay, je l'ai entendu l'autre fois à radio, puis il a sorti une bonne analogie par rapport à ça. Il a chez les petits-enfants sur Twitter. J'étais d'accord un peu avec ce qu'il a dit. Il dit, même si t'es pas le plus grand chum au monde, quand tu joues 82 games dans une saison puis que tu passes 82 jours minimum en avion, avec ce monde-là, avec tout le temps le même monde, ça se peut que tu te pognes avec ce monde-là. Ben ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu sais, comme un vestiaire, ça va pas bien, puis là, c'est comme, who gives a shit? Je trouvais son analogie était bonne, puis c'est vrai en crise. Non, c'est sûr qu'il y en a qui ont eu des petits chamaillages. Mais il y a personne qui était capable de prendre le contrôle puis éviter ça. C'est là que tu vois que le leadership est important. Parce que si t'aurais un gars, mettons, je sais pas moi, un Carbo ou un Roy, ça ferait longtemps en esti qu'il y avait un gars dans le monde. 93. C'était tout living in the past, man! Je pense que le problème était plus gros que les joueurs. Là. Ah ouais, il était dépassé. Tout le monde était dépassé. Il y a une part de responsabilité aussi pour l'équipe d'entraîneurs. Puis aussi Stanley, puis toute l'équipe. Non, mais check dans le fond, le patch, pour vrai, ça a démontré que quand il y a un fuck dans le vestiaire de même, je pense pas que c'est le gars qui est capable de tout ramener ça. Il n'est pas capable. Il n'y a pas l'influence. Je pense pas que c'est à lui de faire ça premièrement. Mais c'est pas à un gars de ramener ça. Voulez-vous me dire une affaire, par exemple? Pourquoi est-ce que Terrien ne rentre jamais d'investisseur? Parce que non, aucun coach en national fait ça. Depuis quand? Ben, depuis toujours, même. Chris, Jacques Mercier, dans l'ancien compte, là, ça aurait lancé des gouttes, là. Les coachs rentrent dans les périodes. Les coachs rentrent tout le temps. Ils rentrent entre les périodes. Entre les périodes, mais dans le premier. Avant game, pas tout le temps. Entre les périodes, ils vont la plupart des fois, mais à un moment donné, si tu rentres entre chaque style période pendant que tu fais 10 games de suite que tu perds, ça donne à rien de rentrer puis gueuler. Là, t'envoies le pas d'impact. Là, t'envoies le DG, puis le DG, ça fait fuck-up. C'est juste faire des ajustements. DG, on va faire ça. Ouais, puis ça fait fuck-up, mais on va en parler tantôt. Ça marche pas, des fois, ça marche pas. Le coach, d'habitude, il va rentrer, ça va être genre 5 minutes, il va faire comment, les gars, on continue de faire la grosse pression sur le puck, blablabla, power play, il va tourner sa glace, ils vont faire un petit pitch, let's go, boys, on tourne pour la deuxième. Il n'y a pas le choix. Mais il ne rentre pas après que la période soit finie. Non. Il ne rentre pas. Il va à son bureau. Ils vont parler entre les gars. Non, mais il peut aller voir un gars pour l'aider à s'ajuster. Ils font tout le temps. Mettons, il dit, on voit des jeux, puis le gars va descendre les jeux sur vidéo. Pour c'est ça, il est là, il faut qu'il rentre le coach entre la rue. Il n'ira pas engueuler les gars dans la chambre, comme, qu'est-ce que c'est fait, tabarnak, qu'est-ce que je vous avais dit? Il pourrait wake up, parce que dis-toi que Julien le fait. C'est sûr qu'il l'a fait, c'est sûr qu'ils le font tout, mais à un moment donné, tu peux pas tout le temps le faire, ça perd son impact. Tu un coach, là, Alex, ça, c'est aussi. Quand le coach rentre comme un père, le coach comme un père, right? Fait que là, si quand il arrive dans la chambre et il t'engueule. Messenger, vous autres, là, c'est-tu. S'il rentre dans la chambre et t'engueule, ça a un impact. Tu sais, ta mère peut tout le temps te dire, comme t'as chicané un petit peu, puis tout, mais lui, c'est beau-père. Puis quand beau-père rentre dans la chambre, man, puis il t'engueule, mais là, ça fait un impact. Tu sais, là, c'est comme, OK, là, tu vas te placer. C'est sûr que si ton coach rentre à chaque période, petit, puis qu'il essaie de te craquer, ça marche plus un moment. Bon, à un moment c'est comme, fuck you, man. Il est fatiguant, lui, puis c'est comme ça, c'est un John Tortorella. Si, là, les joueurs ah, ben, le respect, c'est comme, ah, je ouais, non, mais c'est ça, c'est le genre de coach qui gueule après ses gars. Ça, c'est un coach de la vieille époque, qui est passé. Ça marche plus. Souvent, les coachs vont le laisser faire. Arrangez-vous entre vous autres, les boys. Vous avez le linge sale, on va fermer le vestiaire pendant 10 minutes, parlez-vous. Les ah, faut-tu craindre tes gars un peu pareil? Là. Ça, je vais le faire une fois de temps en temps, ouais. Mais je vais le faire peut-être comme 4 fois dans sauf une saison. Sauf que si tu laves ton linge sale en gang, puis t'as pas de leader dans l'eau. Là, c'est là le problème. Si tu laves ton linge sale, puis t'as pas de leader, puis t'as pas personne pour prendre comme le lead dans ça, mais ton linge sale, il se lave. Il y a un gars, oh, faut qu'il tienne dans le milieu. Le gars qui tient dans le milieu, c'est ton capitaine. Le gars qui tient dans le milieu, puis qui dit 4 vérités à toi, puis vous autres, si la défense, puis toi, l'attaque, puis après ça, qui parle entre eux autres. C'est ça que ça prend. Mais c'est si le capitaine n'est pas capable de faire ça... C'est-tu comment ça finit ça souvent, des enfants de même, des investisseurs? Les petits frustrés. C'est-tu comment ça finit d'investisseurs souvent, ça? C'est avec une shot direct sur la gueule, même. Souvent, non, ça finit... Arrête. Mais Alex... T'as lancé quand? Comment tu sais ça? Mais comment tu sais ça, Mark? Yes, hey, si tu penses... Hey, justement, ben, Chris, je te dis, ça paraîtrait, Chris, tu verrais le gars qui est magané. Tu penses-tu que les gars se sont jamais poignés au collet? Ben oui, ben c'est quand même. Ils prennent un bottin et ils sont ça ailleurs pour que ça paraisse des métiers. Se pogner au collet. Non, ils frappent avec la peau de la main. Non, je dis pas ça, mais je te dis, c'est quelque chose de commun qui arrive. Ça peut arriver. On peut se pogner au collet et tout, puis après ça, les deux gars viennent nous séparer. That's fine. I'm okay with that. Ça peut arriver. Ouais, mais c'est-tu arrivé? J'espère que c'est pas grave que ça arrive, puis j'espère. C'est déjà arrivé d'un vestiaire. C'est bien correct. Je suis juste en train de lire. Ben, ça fait plus longtemps, mais juste dans la bio de Théo Fleury, man, c'est il compte. Ben, ça va, c'est sûr, dans une équipe, on va se pogner au collet, mais après ça, on va rejoindre une équipe, right? Hey, raconte, Chris, que si il y a un joueur qui a déjà accroché un coach, Asti, sur le crochet de porte, là. Voilà, ok, ça se passe plus aujourd'hui. Roy Bob Hartley. Ben oui, Chris, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, c'est vrai. Mais ça arrivera jamais. Non, parce qu'on n'a pas de ça. Ça arrive pas, ça sort pas. La brèle est finie. Tu parles pas d'affaires-là, c'est des affaires à vestiaires fermés, des affaires que ça. Ça serait arrivé. Ça, c'est des affaires que c'est des joueurs qui comptent ça par après. C'est pas ça qu'explique la question. Mais t'en as besoin de ça. Ça t'en prend un qui dise, hey, toi, là. Ta femme-tu ta calice de gueule, puis prends ton. Ouais, puis ce gars-là, aujourd'hui, c'est toi et Mart. Un sous-ban, tu fermes-tu ta gueule, sous-ban? Mais non, j'en ai rien dit. Ben, c'est vrai de ça que tu veux dire, man. Non. Sous-ban pour le dire à quelqu'un. Oh. Je pense qu'il l'a fait souvent. Je voulais qu'on fasse un genre de ronde de call-out pour ceux qui voulaient call-out du monde pour la saison. Je pense que si Sous-ban le fait, ça marche pas. On le fait tout de suite, nos call-outs, ou on les garde pour après l'entraide? Ou à la fin? On peut y faire, là. Ou on les garde en troisième. Mais là, c'est comme tout callé, il n'y a pas de spontanéité. Non, mais je sais pas qui vous allez caller. Là, faut que je pense, plutôt que non. Non, moi je colle pas out. On va le faire en troisième d'abord. On va revenir en troisième pour le call-out. Je vais m'essayer, mais je vous avez le droit, si ça vous tente, c'est comme genre de période libre de call-out. On va finir avec un extrait de Michel Therrien, qui est probablement mon extrait favori de la saison pour Michel, qui mélange ses mois. C'est après le match contre Tampa, le dernier match dans le fond. Il va parler du trio Pacho, Gallagher puis Chucky. Fait que écoutez ça. Écoutez bien aussi dans quel mois qu'ils ont décidé de mettre Galchenyuk au centre. Ben, j'aime beaucoup que je vois de ces gars-là travailler ensemble. Tel que je vois. C'est ça. La progression de Galchenyuk fait en sorte qu'on était capable de les mettre. Je te dirais qu'on a tenté la première expérience au mois de. Je te dirais Winnipeg. Alex a continué toute la saison à progresser. Il n'aurait sûrement pas été capable de prendre ce genre de pression-là en début d'année. Mais il avait plus à la fin en fait, qu'on était capable de le mettre là. Et les trois joueurs ensemble jouent très bien. Donc, on est très heureux de ça. Qu'est-ce qu'il dit du vide, man? Hey, dans le mois de, Winnipeg. De Winnipeg. Entre le mois de février et le mois d'août. Là. Fait que, tour de table avant d'aller en entracte. La question que je vous pose comme ça, Galchenyuk, y es-tu prête? C'est la question de la saison, là? On va répondre. Ben oui. Dave dit oui. Ben oui, c'est sûr. Mark, oui, Chris, j'aurais pas moi, dit ça oui. Fait longtemps que j'ai gay. Ouais, ben, moi, je suis comme Mark, il était prêt depuis un crise de bout. Alex. Moi, je réponds. Non, mais. T'as pas de t'abstenir. Hey, en début d'année, il a prouvé qu'il était pas prêt. En ce moment. Présentement, man, c'est notre centre de premier. Non, oh, c'est notre centre de premier trio pour l'année prochaine. Fait que moi, j'ai plaqué, lui, en début d'année. Il m'a démontré qu'il était prêt. Gueule, c'est mort. C'est vrai, t'as raison. Fait que oui, il est prêt, man. Fait qu'on est tous unanimes. Il est prêt. Il est prêt. 20 pièces. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu le bet qui a été gagné d'ailleurs par GF. J'ai perdu par deux points à dernière game. Dernière game, prêt, hein, Alex. Hey, ça doit faire mal. Non, je suis content, parce que j'ai toujours voulu le dire, Chris. Le même chose, c'était tellement bandé dessus que je suis comme... Okay. Pas bandé, hey, on voyait le potentiel. Avec raison. Le potentiel est arrivé à la fin de la saison. Non, le potentiel... Il a tout le temps été là. Non, mais la réalité. Non, il y a juste... Le potentiel au repêchage, t'aurais pu dire, il est prêt pour être un centre numéro 1. OK, mais toi, attends un peu. Toi, si on va selon ta... J'avais que ça allait venir. Moi, je vois que la réalité... Si on y va selon ton thinking, son potentiel s'est développé à la fin de la saison. Fait qu'il n'y avait pas de potentiel. Il m'a montré qu'il était prêt à être un centre premier numéro 1. Non, je vois juste qu'il est prêt. Potentiel au repêchage, il était prêt à être un centre numéro 1 dans la Ligue nationale. Si on se fiche juste au potentiel. L'année passée, au mois de décembre, là, il a fait à peu près 12 points en game avec Pacioretty. Ouais. Il a joué deux games. Il a joué une mauvaise game à cause de Pacho puis lui. Il l'a recrissé à l'aile. Il a eu plein de blessés. Pekanec call c'est rien. Il a joué avec Pacioretty puis il a commencé à produire. Oui, l'année passée, il a fait 12 points en deux games avec Pacho au mois de décembre. Hey, c'est un tour de table rapide avec une. Laisse faire ton tour de table. T'as eu un tour. Parce qu'il n'a jamais été battu dans le tour avant. L'année passée. Il était d'un plus. Cette année, il a fait 3 deux games avec Pacho. Tout le monde est d'un moins, tabarnak, cette année. On va coller des stats, tout le monde est moins. Il joue une minute de plus que Plecky par game. Cette année, il jouait avec fucking Heller, le train de savate, man, que jaillit pour mourir, man. Puis il fait rien. Puis c'est Heller, puis il fait j'ai parlé de ça avant. Qu'est-ce que t'en penses, mon beau Marc? Marc, écoute, je vais déjà dire. Bon, on va aller faire un entraque, puis on va revenir à la deuxième période avec des extraits de la conférence de presse du post-mortem du Canadien. Puis des rottes qui puent. On est retour pour la deuxième période. Bon, parlons maintenant de la conférence de presse de Therrien, de Bergevin et de Jeff Molson. Beaucoup d'extraits audio qui s'en viennent, alors on parlera pas beaucoup dans cette période. Puis Alex, tu vas aller pouvoir pisser pendant la période. Fait que, non, mais Chris, il faut en parler et tout, pareil. Ouais, pendant oui, la période, on va parler entre les extraits, en fait. Parce là. Qu'il y a beaucoup de stock là. Méchant bonne conférence, en tout cas. Ouais. Ben, avant qu'on commence, c'est rare. C'est rare que le président vient à conférence de presse. Non, c'est pas backer le directeur général. Non, je sais que c'est. J'ai compris pourquoi. Je dis juste que c'est rare qu'il descend. C'était une relation de backing, on se back tout. Ouais, on se back tout. Ça, la fois qui est la plus sécure d'un Canadien, au-delà des joueurs là, et de certains joueurs, là, c'est l'organisation, la colonne vertébrale. Il n'y a pas le choix de faire ça parce que tout le monde chialait, on devrait mettre Bergeron, on devrait mettre Therrien Dion, on devrait mettre... Il n'y a pas le choix de faire ça. Mais s'il avait pris une décision, il n'aurait pas amené Therrien là. Puis Jeff Monson n'aurait pas été là non plus. Mais s'il avait pris une décision, Marc Bergevin Dion, il n'aurait pas été là. Marc Bergevin. Fait qu'on commence les extraits. Fait que le premier extrait, la question c'était ce que Bergevin a appris de la saison de marde l'année passée. Fait qu'on écoute ses excuses. C'est ça la question. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris de ta saison de marde? Tu regardes en arrière aujourd'hui ce qui s'est déroulé durant la saison, les 82 rencontres. J'ai appris beaucoup. J'ai appris, écoute, que premièrement, dans notre business, il n'y a aucune garantie. Puis même avec le début de saison qu'on a eu, ça serait mauvais. Il y a une personne, je pense, qui est ici dans la salle. Ah, t'as juste les crises de flash. Au mois de novembre, puis il a fait un commentaire en voulant dire, Marc, tu sais. Avec les séries, vous allez être bien. Puis je me souviens, moi, j'ai dit, écoute, on n'est pas encore dans les séries, même avec le départ qu'on a. Puis je pense que ça a montré qu'il faut être humble. C'est une ligue qui est très difficile. C'est une ligue qui est très demandante. Puis aujourd'hui, j'ai appris. Puis moi, je le savais déjà, mais c'est encore plus clair que Henri Bouéquet. Moi, j'ai appris, mais je savais déjà. Ouais, c'est ça, il protège bien son cul. C'est juste là, plus clair. C'est super beau, là. J'ai appris, mais je savais déjà. Parce que c'est déjà, beau, le Bergevin, qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est parce qu'on a tout le droit d'être franchement déçu. Belle affaire que tu as à dire, c'est ça. Mais comme j'ai dit tantôt, moi, c'est correct d'être déçu. C'est correct. C'est correct d'être déçu, c'est notre droit d'être déçu. T'as que je t'en fais. Ouais. Je m'entendais plus, je pensais tout notre plancher. On manque d'électricité. Mais la lumière est allumée. Fait que il n'y a rien dit dans cet extrait-là, dans le fond, là, lui-là. Fuck, manette, ton micro pas plugué, man. Allô? Non, c'est. On a eu affaire à une Christine belle campagne politique, dans le fond. Ah, ouais. C'était... Au-delà, tu sais, ils pourraient donner des leçons à ben des à compagnies. Quoi tu t'attendais, des... là? Non, c'est bon. C'est sûr, c'est ça. Ah, ils ont bien fait ça. Ah, ouais. C'est vraiment des belles paroles. La belle grosse marde. Sur ces paroles, passons au prochain extrait. Prochain extrait, il parle de la perte de Carey Price. Puis il dit pourquoi t'as pas fait des gros moves. Puis là, il parle qu'il a essayé de faire des grosses offres audacieuses. Là. On va écouter ça. Ah ouais. C'est certain que tu. c'est Carey, certain. C'est une partie comme. Nous, on le savait. Écoute, on faut pas se le cacher. On sait que Carey Price est un gros morceau de l'équipe. On se le cache pas. Puis on n'est pas gêné de ça non plus. Écoute, si tu te calmes, tu es déjà en avance sur beaucoup d'équipes. Puis le perdre, ça nous a fait mal. Mais à la fin de la journée, je vais toujours regarder. Puis j'ai toujours regardé pour améliorer l'équipe. Moi, Jeff, il m'a amené ici. Mon mandat, c'est d'amener l'équipe, une équipe gagnante. Puis jamais je vais arrêter. Mais encore là, les informations que j'ai, mes discussions avec les autres DG, il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis honnêtement, il y a rien. Cette année, à quelques reprises, j'ai même fait des offres audacieuses qui ont été refusées. Puis même en faisant ce stop-là, je me suis dit, c'est un peu risqué, mais je suis prêt à prendre un risque. Puis ça a été refusé. Il y a des choses que j'aurais pu faire. Puis je suis convaincu aujourd'hui, vous me regardez, vous dites, Marc, ce n'est pas une bonne chose à faire. Alors, je vais toujours prendre des décisions sur mes connaissances de hockey, sur mes hommes de hockey, le meilleur pour l'organisation. De rentrer changer tes hommes de hockey, mon match. Ça, là, man, c'est tellement des belles paroles faciles mais pour j'ai fait des offres audacieuses. Ouais, ben, c'est facile à dire audacieuses, là. Tu sais, c'est oui ou non. Non, mais c'est parce que moi, j'essaie de j'ai voulu aller chercher une. J'essaie de demander, là. Non, mais refusé. C'est ça, j'essaie de me demander, c'est comme, c'est quoi que t'avais tant d'audacieux que ça à trader quand tu disais que t'as pas personne que tu veux trader, tu disais que tu veux pas toucher, genre, à tes jeunes, tu sais pas. C'est quoi ton audace? Peut-être qu'elle a fait une que tu touches à ses jeunes. Peut-être qu'il y avait Gatchelin dans un trade. Non, mais sérieusement, Alex, moi, je pense pas qu'il y avait tant de bons stocks à donner que ça. C'est tout des peut-être. Puis quand j'entends mon DG dire ça. Audacieux. J'ai fait des offres audacieuses. Pourquoi tu mentirais pour ça? Parce que, tu sais, je vous dis, ça veut rien dire. Ben, ça veut sauver sa job, Alex. Acheter la paix. C'est s'acheter du temps. Okay, non, c'est sauver sa job, temps. Jeff Molson, il sait exactement ce qu'il a fait. Je dis pas qu'il ment. Je dis pas besoin de mentir à son boss. Là. Alex, ben, je dis pas que qu'il ment. Je dis juste que c'est tellement trop facile à dire. Ah, ouais, j'ai fait des offres audacieuses. Ouais, mais tu whatever. Sais pas. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. On saura jamais. Ouais, Alex. Moi, c'est unnecessary. T'as pas besoin de dire des niaiseries. Ben oui, le monde, c'est ça qu'ils veulent entendre. Non, mais t'as pas le choix. C'est pas ça que je voulais entendre. Ben ok. Tout chiale, tout le long qu'il en fait pas. Mais quand il dit qu'il a essayé d'en faire une, tu le crois pas. Ouais, mais non, parce que c'est trop facile à dire. Ouais, mais ouais, ben c'est ça. C'est ben, facile à dire. Facile à dire, mais on croira pas, c'est trop facile à dire. Ouais, mais malade, sérieusement. Mais attends, c'est ça que je veux, mais ah, ben là, il n'a pas fait, ben je crois pas. Ben, ouais, mais sérieusement, dans la position du DG, quand que tout le fort t'est mis sur lui, là, tout le spotlight était sur Bergevin, pas qu'est-ce qu'il a fait, t'as pas le choix de dire ça. Je veux dire, dans ben, ouais, mais ça, puis tu sais chiant, pas ça reste une cassette de politicien qui a roulé. Exactement. Et voilà. Rouler une cassette, c'est sûr. C'est ça. On assume ça, mais vous le savez. Mais je pense pas qu'il y avait. On le sait pas, c'est clair qu'on le sait pas, on le saura jamais. Non, mais c'est vrai. Son début de speech est correct, mais il n'y a pas besoin de rajouter le fait que j'ai fait des offres audacieuses. Fais juste pas le dire. C'est juste des offres audacieuses. Non, mais parle-en même pas. Parce que le monde, il chiale tout qu'il en fait pas. Non, non. Ben, c'est parce qu'il s'est peinturé dans le coin en signant des gars aussi à l'avance. Tu peux pas faire tant d'offres que ça. Tu peux pas bouger ton team tant que ça parce que tu as donné des trop gros salaires. Javin, on a trop d'extrême. Je suis d'accord avec ce que Manette t'a dit. Tu n'as pas besoin de spécifier que tu as fait des offres audacieuses. Ouais, on dirait qu'il essaie de vendre une salade. C'est comme s'il venait d'apprendre le mot. Non, mais c'est comme répondre au monde. Vous vouliez que je fasse un gros trade, j'ai essayé et ça n'a pas marché. C'est ça, c'est ça qu'il a dit. Pour de vrai, ça se peut très bien qu'il essaye. Ça se peut qu'il l'ait fait, mais dis juste, j'ai essayé des offres, ça n'a pas marché. Ouais, puis après ça, il y en aurait d'autres. Ouais, il essaie des offres. Juste tape du monde de 3e, 4e trio. Alex, moi, je vais te dire. Peut-être que ces offres audacieuses, c'était du monde de 3e, 4e trio encore. Mais avec l'affaire de offres audacieuses, moi, j'essaie de m'imaginer ce qui a pu être audacieux, puis j'ai de la misère à figurer. J'aimerais savoir les noms. C'est pour ça qu'on n'est pas DG. Non, mais j'aimerais ça connaître c'était quoi son audace dans ses offres. Là, ça, c'est la deuxième affaire. Qu'est-ce que tu as une offre audacieuse pour Bergevin? On ne saura pas non c'est plus. C'est ça. Il connaît plus l'hockey que nous autres, Bergevin. Il va le dire tantôt. Non, mais j'ai peur. En tout cas. Ben, il a raison. On va voir ça tantôt. Mais lui, il trempe là-dedans. Il travaille dans la ligue, pas nous autres. Pour finir, en tout cas, on va finir avec la blessure de Price par rapport à la date floue de son retour. On va savoir ce qui s'est passé avec Price pour vrai. Puis quand on est arrivé proche de la date, ça a été poussé encore une autre deux semaines. Puis tu sais, il y avait de la progression, mais ça progressait, puis ça l'arrêtait, Puis c'était tout au nom de l'année, c'était pas mal. C'était ça l'histoire de la blessure à Carey. Pas mal. Tout au nom de l'année de pas mal. C'était pas mal. Pas mal. Ça a été pas mal. Ça progressait, ça arrêtait. C'est ça. Il y a une affaire qui est bizarre parce que tout le monde a lu le communiqué qui a dévoilé c'était quoi la fameuse blessure. Là. Ouais. Ils ont dit dans le communiqué que c'était pas la même blessure qu'il y a eu contre les Rangers. Right? Ouais. Il a dit ça. Ouais, c'est une autre affaire, mais c'est dans le même coin. 5 minutes après, Price, il avoue que sa même calisse de blessure. Ça a pris 3 fucking mois pour guérir esti à la blessure avec les Rangers. Comment tu peux venir avec un 6 semaines minimum? Il a pas dit que c'était la même blessure. Il a dit que c'était la même. Il a dit que c'était pas la même que Crider. Le communiqué disait que c'était pas la même que Crider. Il avait déjà eu à dealer avec une blessure comme semblable à ça. C'est celle contre les Rangers. C'est celle-là qui parlait. C'est pas pareil. Il l'a dit. Ouais, parce que même j'ai écouté des questions des journalistes. Ils ont même posé la question. Se déchirer le MCL, se déchirer l'OCL, c'est semblable. Mais c'est pas pareil. Non, c'est la même blessure. Il l'a dit. Non, c'est pas la même blessure. Le journaliste, il a posé la question. C'est à cause de la frimeur. OK, on est comme 4 contre 1. Ben moi je vous le dis, moi, je pas compté, mais le time lapse de la blessure était de 3 mois. Je sais pas compter, mais vas-y, on est 5-6 contre 1. Il y a eu un diagnostic de 6 semaines minimum. Tu savais que ça a pris 3 mois il y a 2 ans. Pourquoi là ça prendrait juste 6 semaines? Ben, c'est le minimum, les docteurs c'est ils le font minimum, ça. C'est même ça marche. Ben oui, mais à un moment donné. Quand tu déchires un ligament, le minimum, c'est puis après ça, il voit. OK, ben là, avant que ça soit peut-être rétabli, mais c'est souvent plus que ça. Il y en a que ça revient en 6 semaines. Mais oui, c'est 3 mois. Là, arrive le 6 semaines au mois de janvier. Non, mais dans le fond, ce que Benjamin a dit, c'est il y avait une date, à qui est arrivé à la date, ils ont dit non, on repousse, puis ça guérit pas, Puis lui, il attendait dans son salon où est-ce qu'il revient. Qui est ça? Non. Bergevin? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, il tout le monde. Il aurait pas amélioré le club à chercher un goaler, Chris. Ça le but, c'est de faire les playoffs. Non, excuse-moi, mais à ce moment-là, on est encore en série. Pour aller chercher un goaler, ça. Là, ça aurait pu. Il n'y a aucun goaler sur le marché qui peut t'amener au playoff. Quelqu'un fait ça. Malette. Quelqu'un peut t'aider. Qui? Ah, non. Le meilleur exemple, c'est le Wild du Minnesota quand il a cherché Dominic. Qui c'est qui aurait cru que Dominic les a ramenés au Wild? On l'avait à bataille. Non, non, c'est pas ça que je disais. C'est pas ça que je dis pas en tout. Écoute-moi du début. Écoute pas juste. On va baisser son micro. OK? Ce que je disais, c'est que le Wild. On a parlé au début de la saison quand Price est blessé de tout ce que tu dis là. Puis. Sors-nous des choix de goalers disponibles. Ouais, go! Ben, c'est facile. Pas Dominic dans le passé. Là, cette année, maintenant. Il y avait, James Reimer qui a été changé, qui a connu une bonne séquence. Ouais, ça, c'est un gars qui t'amène les séries. Toronto, on fait des séries. On était à 7 games de faire les séries. Mais il aurait fallu que tu fasses un trade pour ça, man. Ouais, on était à 7 games de se faire sortir en 4. Ça n'a rien coûté. Aller chercher Reimer. Reimer, ça n'a rien coûté, Chris. Il voulait avoir des Nordés. Encore là, tu sais pas. Ben, Chris, ça a été dévoilé par Sportsnet. Après ça, TSN ont parlé de la même calice d'affaires. Il y avait Cam Ward, qui est joueur autonome, qui était disponible. Cam Ward, tu veux pas ça dans ton team? Ouais, moi, je pense que Ben Scrivens. Moi, je pense malade que les équipes étaient plus gourmandes que ça. Tu vas avoir un gars qui va t'aider à t'amener un playoff. C'est pas lui qui va gauler des playoffs. Scrivens n'a rien coûté. Cam Ward aurait coûté quelque chose. Mais Scrivens, il a fait quoi à Montréal? Combien de victoires il a à Montréal? Scrivens, c'est dégueulasse d'aller chercher. Pour un goaler qui t'a pas pour t'amener en série. Parce qu'il le dit, en série, tout peut arriver. Ici, c'est une affaire qu'on dit tout le temps, c'est que si t'en veux pas des joueurs de location pour les playoffs, mais tu vois encore moins un esti de goaler de location. Non, mais moi, ce que c'est de faire les playoffs, right? Ouais, mais malade. Ok, fait que Price est blessé. Fait un moment donné, tu peux mettre une croix dessus puis le faire comme ok. T'as peu. T'es dégueulasse. Non, tu sais qui rate, est-ce dégueulasse? Non, non, t'as peu. Oh, ça a plus collé ça en plus. Je pense qu'on passe au prochain point, c'est dégueulasse. Le but, c'est de faire les séries, right? Non. Oui, mais non. T'as peu. Pas tout le temps. Hey, Alex. T'as peu. Oui, dans le but de Jeff Molson, le but, c'est de faire les séries. Pour n'importe quel club, c'est de faire les séries. Non, parce que. C'est une business pour gagner. Pas à tout prix. Le proprio veut faire les séries. Ben, ça fait de l'argent. Partout. Le DG veut pas. Le DG veut pas faire les séries. Des fois, DG peut dire au propriétaire, c'est-tu quoi, you're gonna take a hit this year pour qu'après ça, on puisse les faire pendant 5 ans. T'as peu. L'affaire, là, l'affaire qui arrive, là, check bien ça. Quand t'es une équipe en difficulté, t'essaies de faire un trade pour aller chercher un goaler parce que t'es dans la merde puis tu veux faire les séries, là, ça devient rough en crise parce que les équipes deviennent gourmandes en tabarnak parce qu'ils savent, toi, que t'es dans la merde. Fait qu'ils demandent fucking cher. Pas nécessairement. Chris Toronto, il était-tu dans la merde? Oui, Chris, sont tout à l'heure. Ah, mais Toronto, il fait une série. Check bien ça, t'as peu. Ils l'ont donné à sa dosée. Les gars, yeah, ouais, mais t'as peu. Non, je m'en calise de ton Steve. Faut aller dans les extraits suivants, là. OK. À moins que ça se résume en 10 secondes, ton affaire. Ben oui, t'as peu. Oui, ça va se résumer. OK, vas-y. Toronto, eux autres, s'en foutent de finir dans la cave. Puis ils veulent pas faire les séries parce qu'ils veulent aller chercher le first round pick. Puis c'est ça leur but. Ils vont builder le team de même. Parce que le plus haut salarié, c'est le coach. Qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur de 10 après ça, ouais, c'est bon. Après ça, ils ont demandé à Bergevin si c'était clair dans son esprit que Terrien serait de retour la saison prochaine. On écoute sa réponse. Oui, écoute, Michel, c'était clair dans ma tête à moi parce que j'ai vécu. Ma tête à moi. J'ai souffert, comme tous nos partisans, ce qui est arrivé durant l'année. Puis, je regardais notre équipe aller performer les raisons, les choses qui arrivaient. Puis j'ai considéré que Michel, c'était l'homme pour continuer à diriger le Canadien de Montréal. Et oui, à part de Craig Ramsey, qui était averti, nos entraîneurs reviennent l'an prochain, oui. Il était averti! Et toi, là, by the way, tu reviens pas. Toi, t'es averti, mon esti du sale. Fais ta boîte, mets tes deux posters des Canadiens dedans, prends ta plante et laisse-moi ton camp. Voldemort, tu fais le mettre des hausses. Voldemort. Puis d'accord avec la photo de ta femme, laisse-moi aller. Bon. Fait que là, ce qu'on sait, là, c'est que quand il dit ça, le Canadien fait un statement de « Les joueurs qui n'aiment pas Terrien, là, vous allez comme puis mourir avec parce que c'est lui qui reste là. » Puis je le dis depuis toute l'année que je suis content avec ça. Ouais, mais Alex, ça c'est un gamble. Faut que ça veille bien. Ouais, on va. C'est un bon gamble. Non, mais ça va dépendre du début de la saison prochaine. S'il y a une série de défaites, ça va pas durer longtemps. Là. Non, on parle de cette saison. La saison prochaine, après 20 games, 25 games. Après 25 games, tu connais une séquence dégueulasse. Tu fais pas les playoffs encore. C'est quoi une séquence dégueulasse? Ben, excuse-moi, mais mettons qu'on gagne. Si t'en fais 15 en 20, on est en merde. C'est pour ça qu'on n'a pas fait des séries. L'année prochaine. En tout cas, justement, là, on parle de Terrien et de la relation avec ses joueurs. Là, il commente sa relation avec Subban. On va l'écouter, Terrien. Un peu comme Marc vient de le mentionner en anglais. En anglais. Mon travail, c'est de tenter d'améliorer chaque joueur, que ce soit un cas comme Galchenyuk. Galchenyuk. Gallagher. C'est un peu différent que les gardiens de but, bien entendu. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans le cas de P.K., c'est d'essayer de soutirer le maximum, de le faire s'assurer qu'il joue des matchs solides. Faut que ça s'assure. Au niveau de sa progression dans ses quatre dernières années. Il a toujours continué à progresser. Il ne faut pas oublier cette année, la journée qu'il s'est blessé, c'était notre meilleur marqueur aussi. Là. Donc, on lui donne beaucoup de responsabilités, que ce soit offensivement que défensivement, sur notre jeu de puissance, en désavantage numérique. C'est la seule chose que je peux dire. C'est un gars qui que je me dois de travailler avec. J'ai du plaisir à travailler avec. Pour jouer au hockey. C'est un travaillant, c'est un passionné. Ça, c'est une perception. Mais c'est le fun de travailler avec Piqué Souban. Il faut que je garde celle-là pour l'année prochaine. C'est le fun de travailler avec Piqué Souban. Sérieusement, j'achète pas ça, moi. Non? Non, moi, ça m'a pas convaincu, ça. Vraiment pas. Tu penses qu'il y a vraiment une... Vraiment pas. Tu t'as pas acheté non plus le câlin, Pachio, là, puis Souban, tu l'as pas acheté non plus. Non, tu penses que t'as rien un beef avec Souban? Moi, je pense que non. Si t'as rien besoin de Souban. Je pense que oui, moi. Non, pas moi. Il y en a de besoin, mais je pense que... Moi, je pense pas qu'ils s'entendent super bien. Puis à chaque fois, là, que Souban est sur le dossier, là, et sur le sujet, là... J'ai toujours c'est trouvé. C'est fatigant, man. C'est tout le temps ce sujet. Ouais. Là, il a fait une erreur. Puis derrière, va-tu capoter? Oh, il a laissé une 30 secondes de plus. Ouais, sur mais le Alex, oh, Alex non, ça veut dire, mais ça... s'il est tout le temps ouais. sur le sujet, là, c'est pas non, pour non. rien. Le monde, ils ont toujours été non, depuis le début, man. Souban il laisse, il fait skipper un chiffre, c'est comme, oh mon Dieu, ils sont dans la merde. Ils vont, oh shit, là, il est pas content. Là. Il vient de faire une erreur, là. Oh, il a pas fait jouer à la fin de la game. Moi, oh, je pense qu'il. Non, non, mais. Comme n'importe quel autre joueur. Alex, moi, j'ai l'impression que. C'est le monde comme nous autres qui disent ça. Il veut que ça aille bien. Mais ça se gère pas de même. Markov, il a fait son erreur, genre en prolongation. L'autre game d'après, il a pas joué en prolongation, right? Il aurait fait ça avec Souban. C'est... Holy shit, Manon, là, ils sont dans beef. Ouais, Manon, mais... ils vont le trader. Manon, Alex, il est pas c'est content. Ça, je te dis. Moi, je te dis, on dirait que Terrien, il souhaiterait que ça soit non, bien. Terrien puis je pense ça. Que toute l'organisation Terrien souhaiterait. Terrien reconnaît que c'est un bon joueur de hockey puis il aime ça travailler avec. Ça finit là, man. Pour de vrai, là, je vais pas me justifier ma relation avec mon joueur, man. Qu'est-ce que je dis dans la chambre? Moi, tu dis, c'est un bon joueur, c'est un passionné. C'est j'ai le pas un super avec. Feeling. Moi, mon feeling à étendre, j'ai pas un super bon feeling. Fait que, à cause que ton coach, c'est quoi? Puis là, même avec Bergevin. Ils vont trader, ils vont faire who gives a shit? Ils jouent au hockey, man. Puis même avec Bergevin. En bout de ligne, c'est ça. Là. Ouais, mais en même temps, ça dépend de l'impact. Le gars, il joue en désavantage, aussi. En avantage, man. Il joue son 20 minutes par game. Il va faire des erreurs. Alex, c'est le meilleur scoreur de l'équipe. Souban est une pièce vraiment importante. Il y a pas un coach qui aimerait pas ça, pas travailler. Tu sais, de pas travailler avec. Mais ça se peut que ça j'aimerais ça dans c'est drôle. Team Canada, ils voulaient pas. C'est quand? Bon, ils l'ont pris par dépit. Non, c'est parce qu'on a beaucoup de défenseurs pas avec de hey, Chris, c'est Souban de gagner le Norris. Non, non, il y a un fuck up bien plus il que ça. Il a gagné ça. Le Norris 2 ans avant les Olympiques. So prochain extrait, Bergevin. Il y a une question de Bertrand Raymond que j'ai laissé la question au début. Il parle de Bergevin quand il est dans le vestiaire qui a pas donné le même message qu'il avait donné aux médias dans la chambre. Quand il a dit en décembre, tout va. Qu'est-ce que tu dis, Bertrand Raymond, à quoi il va... Bertrand Raymond va poser une question dans mon extrait. Ouais. Bon, moi, le mettre dans le fond. Ouais, vas-y. Insiste, hein. Le fait que tu sois descendu au vestiaire, un directeur général, ça ne descend pas au vestiaire 10 fois par année. Non. Le fait que tu sois descendu au vestiaire, passe un message aux joueurs et que les joueurs n'ont pas réagi, est-ce que ça t'a déçu? Oui. Oui, Bertrand. Puis c'est une des choses qui m'a déçu beaucoup, c'est ça. Puis, écoute. Je m'attendais beaucoup plus, honnêtement. Puis aujourd'hui, on est ici, puis on est tous déçus. Puis comme je te dis, j'ai des responsabilités, Michel a des responsabilités, et les joueurs ont des responsabilités. Puis m'asseoir ici, puis mettre le doigt sur Michel Therrien, c'est pas une chose que je suis capable de faire aujourd'hui. Mettre le doigt sur Michel Therrien. Ah, Chris, c'est une bonne réponse. Ouais, ton doigt ça, sur moi. Vrai, hein? Ça, ben c'est oui, une bonne non, réponse, oui. pour de vrai, puis il y a raison. Doigt sur n'importe qui, mais là, il n'y a pas backé ses joueurs, puis c'est bien correct de le faire. Tu vas garder tes joueurs pareils? Ben oui. Ah, tu peux pas trader l'équipe au complet. Moi, je vais regarder mes je joueurs pareils. Je demande pareil. Pas d'échanger l'équipe au complet, mais je demande du changement. OK, ouais. C'est sûr qu'on va en avoir un petit peu de changement. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr qu'il va en avoir. Moi, je pense que ça va bouger. Ben justement, par le changement, ça amène à l'autre sujet là, qui était... Mais raison, je peux-tu mettre mon doigt? J'ai ma part de responsabilité comme... Oui, il faut que je fasse quelque chose, c'est ça qu'il est en train de te dire. Oui, il faut que je fasse du changement. Oui, mes joueurs, faut qu'ils changent eux autres tout parce que Chris, ils ont pas répondu. Mais je peux-tu blâmer le coach? Je peux pas blâmer le coach parce que c'est de ma faute et c'est la faute des joueurs qui n'ont pas répondu. C'est vrai que le powerplay a fini combien cette année? On s'en calisse. Qu'est-ce que ça rapporte à ce que je viens de dire? Je vais juste te poser une question. Ah, est-ce qu'on peut pas mettre le doigt sur le Michel Therrien? Les goalers ont-tu fait la job cette année? Non, on peut pas mettre le doigt sur. Les attaquants ont-tu fait la job cette année? Les défenseurs ont-tu fait la job? Il n'y a personne qui a fait le job. Tu dis, on peut pas mettre le doigt sur Michel Therrien. Le powerplay a fini combien cette année? Il n'y a pas personne qui a fait le job. Les joueurs, ils ont-tu répondu? C'est pas la faute à Michel Therrien directement. Il y a une part de responsabilité. Michel Therrien, tu sais à glace, là? C'est lui qui coach, c'est lui qui prend le team. Parfait. Fait que quand le DG descend pour te fouetter, puis toi, tu réponds pas, c'est sa faute au coach. Non, mais ça. Ben voilà, merci. Fini. Mais... Prochain point. Prochain point, ouais, c'est peut-être parce que Bergevin, il y a plus d'impact sur le vestiaire tant que ça, parce que Bergevin, Michel il est tout en voyage avec eux autres. Il n'a aucunement fait de la job cette année. Excuse-moi, mais il n'a pas fait de la job. Il va pas mettre dehors, puis il va rester. Ben, je t'avoue que Michel Therrien, en fin d'année, puis tout ça, c'est sûr que je pense qu'il a complètement arrêté. Là, pas de... fait la job, hey man, ton petit Chris de favori, man, il est rendu centre numéro 1, man, la première ligne, elle marche full pin. Tu sais, quand ils l'ont mis, là, c'est au centre, au mois de Winnipeg, là. Attends, on a un esti de bon centre de quatrième trio en Dano. Ça apprenne les jeunes s'en viennent, man. Arrête de dire qu'il n'a pas fait la job. Merci aux blessés. Pas fait la job parce qu'on n'a pas fait les séries ou pas fait la job parce qu'on n'a pas fait. Non, gars, Alex, moi, ce que je te dis, là, c'est que chaque personne a le tort, Therrien a ses torts. Oui, mais dans qu'est-ce que l'extrait vient de dire? Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire? Therrien n'est pas à blâmer. Fait que je vais regarder un des points. C'est lui d'abord, c'est qui est à blâmer? Marie Bergevin, puis on joueur. S'en calisse. Ben, le coach aussi, Chris, voyons un homme. Parce que Bergevin, il est tout le temps avec l'équipe. Hostie. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Bergevin, il est tout le temps avec l'équipe. Si ton boss, si tu es tout le temps, il est tout le temps avec toi. On parle de l'intervention dans le vestiaire. Ouais, mais c'est ça, son intervention a plus de poids. Michel Therrien n'a pas rapport là-dedans. Là, la période est finie, fait que je vais faire un extrait avant l'entraide, puis on va garder les quatre autres, vu que ça concerne le futur pour la troisième période. On a demandé à Therrien, ben pas Therrien, à Bergevin, s'ils ont raté la transition du leadership dans le vestiaire. Fait que voici la réponse. Non, je pense qu'il y a eu un manque. Honnêtement, oui, écoute, ouais. ils ont passé une période difficile. Puis comme groupe, il y a eu une déficience. Une fille déficiente dans le vestiaire. J'aime croire. Ils ont grandi de l'expérience qu'ils ont passée cette année. Souvent, ils ont tu sais pas ce que tu connais pas ce que tu connais pas, hein. Alors, en des périodes difficiles, tu connais pas ce que tu connais pas. Pose des périodes difficiles. C'est clair, l'important, même. C'est comment qu'on s'en sort. Tu connais pas dans la vie ce que tu connais pas. Là-dessus, là-dessus, par exemple, c'est comment qu'on s'en sort. They failed vraiment miserably. Ils s'en sont pas sortis. Ils ont touché le fond, il faut qu'ils remontent. Dis, c'est comment qu'on s'en sort que ça va montrer. Je n'en ai pas sorti. Parce que vous n'en avez jamais sorti, à part peut-être comme les 5 derniers games de l'année. C'est l'année prochaine qu'on va savoir si ça va sortir. Ah, mais Therrien, ça t'aurait pas tenté d'organiser peut-être une petite game de quilles, un après-midi au vu. Non, mais jamais un lac à l'épaule. Peut-être que la petite déficiente, t'aurais pas à sortir du locker room à un moment donné. Tu sais, s'il y a vraiment des tensions dans le vestiaire, amène les gars au chalet, ça marche d'un boy, ça devait marcher pour le Canadien. Ouais, l'empêche pas de cellulaire. Juste, gars, hey, je te dis, là. Ben, il faisait avant. Il devrait le faire aussi. Petite game de quilles, là. Chris, ça coûte pas cher. Ça, Therrien. Tout le monde va avoir ses souliers en or. Tout le monde avec des petits souliers. Au pire, petite game de quilles dans un chalet, ça a oui. Ben ouais. Ouais. Non, mais tu mets Therrien, Bergevin, Pacioretty, Subban, Marco, Kentucky, puis Gallagher, tout dans un même chalet. Puis ils disent, c'est quatre. Dans la même chaloupe. Dans le même chalet, là. Puis t'amènes Chanel en même temps. Avec des bunk beds. Puis ils disent les quatre vérités, ça pourrait aider. Fait que la période est finie, on va aller faire un entraque. Puis en troisième, on va revenir avec le reste des extraits. Puis ce soit là, d'autres affaires. Là. Fait que... Ah, ça serait avec une shot à gueule, ça. La même équipe. On est retour pour la troisième période. Et je prends mon momentum. Et c'est pas le temps de faire les autres Ligues nationales parce qu'on a des extraits à terminer. Fuck encore. La Ligue, man. On s'en calait sur toute la Ligue. Sérieusement, on a trop de stock à parler. Fini, là. Toute la Ligue est en playoff. On a trop d'affaires à se pogner. Genre. Fait que là, on va parler pour la saison prochaine ben, en finissant la conférence de presse. Fait que est-ce qu'on doit s'attendre à plusieurs changements dans l'équipe, mon Marc? Change-moi de ça. Moi, comme DG, je suis responsable de toutes les décisions à prendre. Alors, basé sur ce que j'ai vécu durant les 6 derniers mois, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Oui. Mais de là à les paniquer, puis à tout changer, basé sur les circonstances qui sont arrivées, je ne suis pas prêt aujourd'hui à faire ça. C'est certain que je vais regarder à toutes les facettes de l'organisation pour améliorer, pour aller de l'avant. Mais te dire aujourd'hui, Luc, que je suis prêt à tout virer à l'envers, non. Hey man, c'est incroyable. Je pense qu'il... Il dit la même affaire encore. Il dit ces phrases-là tellement longues qu'il dit « fuck all ». Parce que son truc, c'est qu'il il parle tellement longtemps que tu ne sais même plus de quoi qu'il parlait au départ. Mais il y a le même discours. Il y a le même discours dans le fond qu'avant la date limite des échanges. Mais chaque réponse, peu importe c'est quoi la question, sa réponse reste tout le temps la même. Comme moi, je veux toujours améliorer l'équipe puis je veux rien faire pour nuire à l'équipe. C'est des mots dans un désordre que tu ne comprends pas vraiment. Ben bref, ça veut dire qu'il ne fera pas grand-chose. Il a répondu à ma question, je pense. Mais en même temps, moi, je trouve ce qu'il y a de positif dans cette affaire-là, c'est que peut-être qu'il y a des joueurs qui vont faire comme « Oh, fuck. Peut-être que c'est le trade block. » j'aime ça Montréal. Peut-être que ça va fouetter du monde. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que moi, ma responsabilité, c'est vraiment tout le hockey et tout. Je peux pas être émotif. Fait que je change-boulerai pas toute l'équipe à cause de ça. Parce qu'on a perdu que je vois qu'il y a tout le monde dehors. Pas change-bouler, là. Change-boulé. Tout le monde a compris. Tu as dit change-boulerai. Mais c'est parce que t'as. Je me suis descendu à leur niveau pour que tout le monde puisse comprendre. Mais change-boulerai. Mais c'est tough, Bergerin. Bergerin, man. C'est pas facile pour elle. Non, mais c'est pas facile parce qu'il s'est peinturé dans le coin avec les signatures qu'il a faites et tout. Il s'est peinturé en blanc, entouré de petites roches noires. 6 millions à l'autre, puis les 4,5, puis les 7. Le prochain extrait, je vais le dire de même. Écoute, ouais. Mon Marc, on l'échange-tu, Subban? Premièrement, je suis un peu surpris qu'on part tout sur Piqué Subban, échanger Piqué Subban. Je ne sais pas d'où ça sort. Bande de malades. J'ai aucune idée. On en fait un plat. Moi, je suis clair que je n'ai pas l'intention, puis j'ai nommé beaucoup de joueurs. Mais on revient sur Piqué. Moi, Michel, Jeff, on n'a pas un agenda sur tel joueur ou un autre joueur. Mon but, c'est d'améliorer l'équipe. Encore? Puis en fait, de ta question sur le capitaine, les joueurs ont décidé, ont choisi un capitaine. L'équipe a choisi un capitaine. Alors, ces joueurs-là sont mieux placés pour répondre à la question que moi. Hein? Est-ce que c'est vague? Ça, mais les sérieusement, joueurs, les joueurs réponses... sont mieux placés. Mais tu sais, il dit, je comprends pas. C'est ce qu'il dit, man. Il dit que les joueurs vraiment, sont ça, c'est ridicule. Non, pour le capitaine qui parle, pas pour okay. Échanger Subban, là, pour choisir le capitaine. Mais... moi, j'ai trouvé que tout le long de sa conférence de presse, là, j'ai réécouté au moins là, deux fois, facile, trois fois quasiment. Au moins deux là. Fois. Ah, pas vrai. Puis j'ai réécouté là, tout ce qu'il disait. Là. Parce qu'il est comme pas, il est pas barré sur ses joueurs. Là. Je veux dire, il est barré sur son organisation. Lui, c'est son arsenal de coach qu'il a choisi. Coach, ouais. Mais les joueurs, là, puis surtout, j'ai trouvé dans le cas de Subban, Chris, il a été évasif. Je l'ai pas l'extrait, mais il a dit, tu sais, Gretzky s'est fait échanger dans ses meilleures années. Dans son puis... prime, hey, deux fois qu'il a dit ça dans la conférence. Mais tu sais, puis là, il vient fois. Dire. Il l'a dit ailleurs dans l'année. Puis là, il vient dire l'inverse. Je sais pas pourquoi le nom de Subban sort tout le temps, blablabla. Mais il protège jamais Subban en disant Subban, là, c'est une des pièces les plus importantes de notre équipe. Il laisse ses options ouvertes tout le temps. Il dit une fois. Non, mais, il dit une fois, mais c'est avoue que c'est jamais comme. Non, mais c'est pas hyper cool. Mais tu n'as pas le droit de dire qu'il est protégé. Il a raison. C'est pas dire qu'il est intouchable, ça se dit. Non, c'est ce qu'il a fait. Il a pas coupé sa conférence de presse, tous les autres DG de la Ligue. Tout ton pouvoir de négociation. Il a voulu... On est de la merde! On est de chier! Non, mais c'est parce qu'il avait dit, dans le fond, il n'y a pas le choix de regarder toutes les facettes, toutes les possibilités possibles si jamais il faut qu'il fasse de quoi. Les possibilités possibles. Parce que dans le fond, il n'y a personne d'intouchable dans la vie. C'est impossible, ça. Oublie ça. Fait qu'il n'a pas voulu nécessairement dire... Je vais échanger Subban ou... Qu'est-ce qui s'est fait échanger? Il a juste voulu dire que... Sean Connery. Il n'y a pas le choix de regarder qu'est-ce qui se passerait si la possibilité d'échanger Subban. C'est ça qu'il voulait dire. Si j'échange Price, qu'est-ce que ça me donne en retour? Il le fait avec tout le monde. C'est ça qu'il voulait dire. Il dit, moi, j'ai des informations que les autres n'ont pas. Fait que c'est pour cette raison-là qu'il a parlé de Subban. Tu sais, si Gretzky s'est fait échanger, fait que si Subban en soit une offre alléchante, ben, il faut qu'elle soit une vraiment des joueurs spéciaux pour que je puisse l'échanger. Ouais. Mais il n'y a pas l'intention de l'échanger du tout présentement, là. C'est. Mais il n'y a pas un joueur. Mais toi, tu penses qu'il n'y a pas l'intention de changer. Moi, je t'écoute, ma lettre. Il n'y a pas l'intention de changer, à moins qu'il y ait une offre audacieuse. Ouais, mais là, il a envoyé son message pareil. Mais non, mais comme il vous disait, c'est pas mon agenda de l'échanger. Le gars, son but, c'est pas de l'échanger absolument. Là. La raison pour laquelle il y a des rumeurs, c'est parce que sa clause de non-échange embarque le 1er juillet. Fait que quelqu'un, un imbécile, qui a parti une rumeur à quatre parts, puis là, tout le monde a viré ça au drame, puis tout le monde capote. 25 il ne sera pas échangé, Subban. Oubliez ça. Puis en fait, qu'est-ce que lui fait? Il n'y a aucune équipe qui va. Moi, je peux pas te dire ça. Je t'écoute pas. Moi, je suis pas prêt à dire qu'il sera pas tradé. Je t'écoute parler. Il sera jamais tradé. Ou j'ai pris une bière de trop, ou tu parles comme Bergevin. Je comprends fuck all. Mais non, mais il échangera pas. C'est à cause des rumeurs du 1er juillet. Non, mais là, il répondait aux rumeurs, point Bergevin. C'est tout. C'est ça. Parce que le nom de Subban, c'est parce pas son que... intention. Mais si le gars, il t'offre Crosby pour Subban, tu vas y penser. T'as mais c'est sûr que le premier gars que le nom va sortir dans le club pour être échangé, c'est Subban parce que. Oui, je comprends. C'est le gars qui l'a plus de temps. C'est comme facile à dire, ça. C'est comme. Quoi? Je parlais. Ah ouais? Excusez. C'est sûr que Subban, c'est le premier nom qui sort quand il y a des trades, des rumeurs de trade. C'est le gars qui a le plus de talent. C'est le gars qui a... Ben oui, je parlais. C'est l'autre là qui se Chris, c'est le Norris. C'est le gars qui a le plus de valeur dans le team à part Price, mettons. Là. N'importe qui le voudrait. J'essaie d'en placer une à la fin de la saison. Là. Arrête, c'est dégueulasse. M'arrêter tout de suite d'abord. Ta gueule. Jamais ça. Check l'autre qui essaie d'apporter tant qu'à parler de dégueulasse, on parlait de John Scott un peu. Check l'autre qui essaie d'apporter son poids. Ben, moi, sérieusement, je pense pas qu'il est intouchable. Puis, en tout cas, je suis pas sûr que. Moi, je pourrais. Autant, je te dis, je suis half and half. Je suis pas sûr qu'il. Du café half and half. Mike, il migraine millet. Si t'es prêt à échanger Subban, qu'est-ce que tu veux en retour? Migraine millet. Écoute, je te dirai pas qu'est-ce que je voudrais en retour, puis tout ça. Parce que je sais pas les autres teams, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à offrir, ok? Pas assez. Je veux juste te dire. Ben, pas assez, hein? Tu sais pas. Je suis d'accord avec Mert. Hey, Mert, je suis d'accord. Ouais, tu sais pas c'est quoi les besoins des autres équipes. Pour Subban, je vais avoir un centre, numéro un attaquant avec un potentiel offensif, puis un prospect qui a du sens, au moins un défenseur. Non, si tu échanges Subban, qui c'est qui va prendre sa place? Qui va jouer ses minutes? Fuck that! Non, je sais, je sais. Veux pas, c'est ça, man. Petrie, il joue à gauche, l'autre, il joue à droite. La réponse, la bonne réponse à ça, c'est Markov. Non, mais Markov, c'est plus un jeune poulet, on le sait, là. Hey, Chris, non, c'est sûr, t'as pas de rêve. Je sais que tu fais un trou. Je sais que tu fais un trou, là, GF. Mais Nestor, il joue une demi-heure par game. Ouais, mais admettons, là, que Subban, disons. On parle hypothétiquement. Disons que Subban amène un genre de problème au sein de l'équipe que le monde aime pas. OK? Parler puis je vais te répondre après. Okay? Disons là que tu changes l'atmosphère radicalement de ton vestiaire. Okay? Disons. Puis tu vas chercher, je sais pas moi. Je sais pas, je dirais pas ça. Exemple, Stamkos. Ou... C'est plat! Bon. Ouais, c'est plat. Okay. Parle à ta bien, Dave. Mais. Okay, c'est bon. Switch on. Fuck it. Mais juste pour te dire une chose, là, Subban, là, si c'est un problème, là, crache pas, mon Dieu. Patrick King qui viole des filles, il est signé par lui. Tu ne l'échanges pas, lui. Hein? J'ai coupé ton micro. Voyons donc. C'est pas parce que le gars, tu fous-tu le gères, Chris. C'est ça le but du jeu. Fous-tu le gères, Chris. Allez, t'enquête. Finalement, ça ferait longtemps qu'il serait échangé. Ouais. Ils savent en essayer qu'ils échangent Patrick Kane, ils gagneront plus. Ouais, mais finalement, quand ils l'ont signé, là ils ont dit là, que c'est. Bergevin a dit c'est moi qui prends les décisions. Ok, c'est moi qui a décidé de signer Subban. C'est lui qui a décidé de le signer. Mais non, Monson a donné le haut. C'est ma décision de signer. Oui, oui. Il a dit les joueurs, c'est moi qui les signe. C'est mes décisions. C'est les décisions hockey. Il s'est sûrement fortement fait suggérer de le signer. Ça, ça a sorti dans la conférence de presse. Molson a. C'est trop loin derrière qu'on soit tout sûr. Attends. Est-ce que, OK, s'il dit ça en conférence de presse, toi, est-ce que tu dis que c'est Molson qui a fait comme « Je veux que tu me signes Subban » Non, il n'a pas dit « Je veux que tu me signes Subban », il a dit « Je te suggère fortement là-dessus. » Attends, c'est comment que ça marche? Est-ce que Subban, est-ce que tu penses que... Attends, regardez, Martin, je te conseille fortement de signer Subban. Ça veut dire, j'ai décidé, je veux que tu le signes. OK. Si toi, ça ne serait pas ton joueur que tu serais prêt à donner tant de millions... Ça se peut que ce soit pas ça. Fait qu'après ça, toi, tu peux arriver en conférence de presse. J'ai décidé de signer Subban. Ouais. Tout est correct. Si on sait tout, admettons que. Parce qu'on le sait que ce que ça jase fort, c'est que c'est Molson qui a intervenu dans l'affaire puis a dit tu me le signes. OK? C'est ça se termine là. Il n'y a aucune preuve qui dit que c'est ça qui s'est fait dire. Hey, c'est sûr que c'est ça. Voyons donc, c'est ça que c'est pensé. C'est parce que c'est normal qu'il consulte le propriétaire. C'est 72 millions pour 8 ans. Quel DG qui connaît le hockey ne voudrait pas signer Subban? C'est comme dire que Marc Bergevin est stupide que le propriétaire. Ben, ça niaisait en tabarnak. Ça niaisait longtemps. Il a essayé de le dealer. Il essayait d'aller chercher le meilleur prix. C'est correct. Ça s'est rendu à l'arbitrage. Ben, ça, c'est pas l'arbitrage avec Anne France Goldwater. C'est normal. Ouais, ça arrive moins fréquemment que souvent. Ça n'a pas été un arbitrage. N'importe quel DG. Il y a eu une audience. Il n'y a pas eu d'arbitrage. Il y a eu une audience. Il y a une audience, ça s'est réglé. Ça s'est réglé dans les corridors. Après ça, ça arrive pas si souvent que ça. Non, il y a eu l'audience, puis la décision n'a pas été donnée parce qu'ils ont pris 24 heures avant. Et voilà, donc il n'y a pas eu d'arbitrage. Ça arrive plein de fois. Mais je veux dire, c'est pas l'arbitre qui a décidé la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'arbitrage, c'est pas si monacourante que ça non plus dans non, toutes non, les signatures. On s'entend là. C'est arrivé souvent dans l'histoire de la Ligue. Mais c'est pas quelque chose qui arrive systématiquement à chaque signature puis d'un gros en joueur. En étant que DG, je pourrais y aller en arbitrage, puis ça s'est réglé avant. Ton micro est bien haut. C'est pas mauvais, là. C'est montrer qui est le boss et tout. Tu veux pas te donner cru dans la bouche du joueur. C'est la même chose quand il dit qu'il est pas intouchable. Je te dis pas que c'est mauvais. C'est la même game. Anyway. En tout cas. Il me reste deux extraits. Le prochain, c'est par rapport au terme du contrat qu'a amené John Scott avec le Canadien. T'es intéressé sur Mart? Dans le monde aujourd'hui, dans la Ligue nationale, tout est basé. Quand tu parles à un DG, arrête de m'expliquer la Ligue, Marc Callis. C'est quoi le terme du contrat? Première chose. Souvent tu le sais pas. Tu as une idée. Tu sais pas le terme du contrat. Okay. Parce que tout, il faut qu'il fit dans ta masse salariale. Alors, tout faut qu'il fit. Une équipe comme Arizona, c'est une équipe qui a plus de budget que d'autres équipes. Alors, plus à 900 000, John Scott. À l'époque, pour faire la transaction, il faut la sortir. L'Arizona, il fallait qu'il sorte le salaire. Parce que si lui, il envoie John Scott dans la Ligue américaine, la façon que l'équipe est gérée, ça compte sur sa masse, sur son budget au complet. Alors, pour lui donner plus de flexibilité, il me dit, il faut absolument que tu prennes John. John. Mais moi, dans ma tête, j'avais pas besoin. C'est pas ça que je recherchais. Non, j'ai rien contre John Scott, là, mais c'était pas ça que je recherchais. Mais il m'a forcé la main, puis j'ai accepté. Puis dans ma tête, je me suis dit, OK, mais John va aller à Saint-Jean, puis il va aider nos jeunes. Tu sais, la Ligue américaine, c'était un peu différent national, puis j'ai dit peut-être qu'il va aider les McCarron, puis tu sais, des joueurs, puis je l'ai connu de Chicago, je savais que c'est une bonne personne, alors j'ai dit, OK, je vais le faire. Mais aller dire ça, je voulais pas que le joueur se sente mal, tu comprends-tu? Puis il dit, oh, ils me veulent pas, ils ont juste pris mon salaire, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Ça serait de le dire après la saison? Que le joueur se sente... Ça, là, c'est, tu sais quoi? Ça, là, c'est ce qu'on appelle se faire remplir en pleine face. Ouais, non, fait que ça, là, hey. Fait que sérieux, là, c'est quoi, là, l'affaire, là? Si Bergevin a été chercher John Scott... Si Bergevin a été chercher John Scott pour... Victor Barton. Pour 700 000, il gagne pour Saint-John? Pour fuck all? Non, pour Saint-John, ça va tellement bien à Saint-John. On s'entend-tu que le DG de l'Arizona, il en doit une en tabarnak, là? Il en doit une en... Il a forcé la main. Ça veut dire qu'il voulait absolument Victor Barton. Attends, mais c'est ça qu'il dit, c'est pour ça que je cherchais. Relax, c'est ça qu'il voulait. Non, les little squeaky voice que Harry Bergevin. C'est sûr qu'il a fait, d'argent, là. C'est sûr que c'est pas une question d'argent pour l'Arizona. Il l'a pris pour faire une faveur à l'autre DG. Eh oui, il y aura du service. Il a raison de dire que oui, il veut pas, man, ça va aider les jeunes, Nasty. Ça va pas être grand-chose, là, mais... Non, mais c'est sûr que ça aide les jeunes. C'est qu'on aide les autres clubs, là. Non, mais c'est sûr que ça se fait, ça, qu'on lisse, là. Arrête, qu'on lisse. Si ça, tu crois pas ça, man, si tu vis dans... pas la réalité de la Ligue nationale. Bergevin a fait une faveur au Coyote. Ben, il s'est débarrassé d'un gars qui voulait plus, qui joue même pas, qui s'est fait après ça. Il en doit une en tabarnak. Il en doit une. Le DG des Coyotes s'est fait colisser dehors cette semaine. Le DG des Coyotes, il a pris un gars qui est un OP, colisse. Il doit quoi, là? Le gars, il joue même pas dans la ligne, il est suspendu, colisse. Il n'y aura pas de faveur. Il a crissé son camp, le DG s'est fait colisser dehors. Ok, colisse. C'est un échange de merde, du pont de la merde. Who gives a shit? Il a échangé parce qu'il voulait avoir Victor Bartley. C'est ce qu'il cherchait, mais arrête, là. C'est ça qu'il a dit. Non, il a échangé pour faire le ménage avec Phoenix. Pour pas qu'il y ait la fin des All-Star Games. Ils se sont débarrassés de la merde, les deux. Ça, c'est de la conspiration. C'est un inside job. C'est sûr que c'est un genre d'inside job. C'est un inside job. Théorie du combo, je la coupe celle-là pour le All-Star. T'as pas écouté. Mais non, il a dit qu'il avait pas besoin de ça. Ouais, mais il t'a cherché Bartley pareil. Qui? Bergevin! Il voulait changer Tenordé pour Bartley. Il a dit, si tu vas voir Bartley, il faut que tu prennes Scott. Ouais, c'est comme, c'est ça qui est arrivé. C'est comme les termes. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait une faveur, il a fait la job de Bart. Ben oui, c'est ça que j'ai compris. Attendez, moi, je suis un directeur général. Tu es directeur. Puis il me dit, si tu veux Bartley, il faut que tu prennes Scott. Ok, ben moi, je vais prendre Scott, je vais mettre avec les ice cap. C'est bon, mes jeunes, c'est un bon vétéran. Puis il est bon dans la chambre. Le gars, il a forcé la main. C'est où que je perds là-dedans? Il a forcé la main. Mais où c'est que je perds? Mais OK. Forcé la main. Où c'est que je perds? C'est lui qui voit. Ouais, il est pas obligé d'accepter, Chris. Mais pourquoi? Où c'est que je perds? Pourquoi qu'on paierait pour les autres? On paye pas pour les autres. Paye 100 000, comme lui dit. Mais non, c'est 1 million. Non, mais c'est ça, vous dites, c'est vrai. Où c'est qu'il a perdu dans ce trade-là, Calis? Il y a rien, on a rien perdu. Il a mis un bon vétéran avec ses jeunes, qui est un gars qui est super bon, reconnu dans le jeu. Le seul perdant dans cette histoire-là, c'est John Scott. Il a perdu là-dedans. C'est John Scott le perdant, il aurait dû le monter avec le Canadien quand ça allait mal à la fin de la saison. C'est là que je joue avec les jeunes, puis oui. Je l'aurais monté pour une coupe de game. Il a eu du fun d'être à l'autre bout de sa famille avec sa femme, ses kids. Il a dit ce qu'il avait du fun. Il doit avoir du fun en Calis. Il doit être la fun en tabarnak. C'est quoi? C'est un bon team players. Damn là. Fucking right. Ouais, c'est pour ça qu'il a fermé sa gueule. Puis il a joué, puis il a été là. Ouais, man, perdu là-dedans. Il est fini, là. D'après moi, il revient pas. 1 million pour le Canadien. J'ai l'impression. Il s'en va doigt à cheveux. C'est un gent. Il n'y a même pas assez de game. Il n'y a même pas assez de game pour avoir son fond de pension. C'est pour ça que le Canadien l'a fait jouer dans la NHL. Ça change rien. C'est arrivé que la Ligue nationale a donné un enforcer, le Lady Bing. Donnez-y, Callie. Dernier extrait audio, c'est un message de la part de Marc Bergevin aux partisans à la fin de la conférence. Mais ça me mallette, ça. Ouais, écoute, écoutez ça. Faire des changements juste parce que c'est populaire ou c'est sexy, non. Il y a des raisons pourquoi tu fais des changements. Mallette. Sexy. La chaîne a vraiment débarqué, oui. La pire équipe depuis, oui. Mais tu regardes plus que eux. Hein. Tu regardes vraiment, c'est, comme partisan, écoute, ils n'ont peut-être pas le knowledge que j'ai. Ah, mon Christ. Si tu regardes vraiment la façon qu'on a joué, la façon que l'équipe a compétitionné, encore là, tu regardes les trois dernières, l'année du lock-on, on va l'enlever, les deux dernières années avec Michel Therrien, est-ce qu'on est une équipe de 110 points? Est-ce qu'on est une équipe de 82 points? On est peut-être une équipe dans le milieu à la fin de la journée. I'm fucking right. Puis dans le milieu, tu rentres dans les séries. Puis à la fin de la journée. L'équipe en santé, je crois. Je suis confiant que nos partisans, quoi qu'on peut faire du dommage. On a beaucoup de bons jeunes, des Gallagher, des Galchenyuk, Patrick Price, Piqué. C'est des gars qui n'ont pas encore 30 ans. On va parler d'André Markov un petit peu. C'est certain qu'André, c'est pas un jeune poulet. Il y a des périodes difficiles cette année, oui. C'est pas un body burger. Mais André, je pense qu'il est le 20e parmi les 20 premiers marqueurs de la Ligue nationale. Il y a beaucoup de choses que malgré cette saison-là. On prétend dire ça. André Markov. Il y a des joueurs qui ont bien fait. Alors, moi, je veux que nos partisans soient positifs, qui croient encore au noyau de l'équipe. J'ai peut-être pas le knowledge hockey de Marc Bergevin, mais ce que j'ai vu sur la glace cette année, c'est pas une équipe qui était... Non, mais il a tout à fait raison. Oui, sauf que tu peux-tu me dire que c'est une équipe qui a été combative tout au long de l'année? Là, t'es juste insulté parce qu'il vient te dire qu'il y a plus de connaissances. Non, je m'en fous. Oui, j'espère. Chris, c'est un DG calé. Il est payé pour ça aussi. Moi, j'écoute juste l'hockey depuis 33 ans, mais je suis pas DG dans la ligue, mais j'ai vu que les joueurs se pognaient le cul une bonne partie de la saison. On n'est pas cave. Mais écoute, le hockey depuis 33 ans. Toi, tu te rappelles-tu quand t'avais un an et que t'étais le hockey? Hey. Lâche-moi là un peu tes salaires. Moi, je me rappelle le patron, c'est Patrick. Mais il y a tout à fait raison. Je me rappelle la coupe de 88, mais je me rappelle celle de 93. Moi, c'est ça que je dis depuis le début, tout le temps. C'est qu'est-ce qu'il vient de dire? Whatever. C'est que la stabilité va en aller beaucoup plus. C'est sûr que tu t'en rappelles pas. C'est sûr, faut juste parler de Steve Marde, là, mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ah, en général, oui. Fait que tout aime ça, là. Toi, là, t'es né pour un petit pain, Chris, t'aimes ça. J'aime ça, non. Bien. Mais j'accepte-tu qu'une année de même peut arriver? Oui. Wow. Ça donne-tu, ça vaut-tu la peine de tout péter à cause qu'une année de même arrive quand ça peut arriver? Non, moi sérieusement, il n'y a pas assez de bonnes raisons pour... Moi, je te dis, c'est... Hey, à chaque fois qu'on est réagi, comment que vous réagissez présentement, à chaque fois, depuis 1995... Depuis 1995, qu'on a toujours réagi de la même façon que le Canadien Montréal. Ça n'a jamais été aussi pire que là. Ça n'a jamais mené nulle part, man. Ça n'a jamais été aussi pire que là. Non, nulle part. Cette année, c'est la calice de descente aux enfants. Ben, c'est terrible. L'année qu'on est allé chercher Galchenyuk, on a eu une saison de merde. De marre. Mais moins pire que ça. Mais on n'est pas parti en Lyon. C'était pas aussi pire que ça. Ce qui fait mal, c'est le début de la saison. C'est vraiment le début. Plus de points. Ça veut rien dire, les 10 games. Non, moi, je suis extrêmement déçu. Ça veut dire de quoi en tabarnak? Ça veut dire qu'on est capable du meilleur comme du pire. Non, moi, je vais te dire, ça veut dire, là, non, moi, je vais te dire. C'est révélateur en crise. Moi, je vais te dire. Imagine que là, avec toute l'expérience qu'on vient de prendre, Alex, avec toute l'expérience, si on devient stable avec toute l'expérience qu'on vient de prendre, si on. Mais ça, on va le voir l'année prochaine. Puis il y a raison, c'est qu'on n'est pas une équipe de 110 points comme l'année passée ou l'autre année d'avant. Puis on n'est pas une équipe de 82. On n'est pas une équipe de 110 points. On est une équipe de 5, 6, 7e place. Ah, OK. Admettons. On n'est pas encore régressé. Les autres années étaient locaux. Admettons. On avait Price à santé. Disons que là, l'excuse cette année, c'était. On a beaucoup appris cette année. OK? Ils ont tous dit ça. On a appris beaucoup de choses cette année. Hey, Chris. OK, t'as appris beaucoup cette année. T'es mieux de livrer à marchandise l'année prochaine. En estime, ben, il vient de se mettre beaucoup de pression. C'est là. Terminé. Tout à fait d'accord. Là. C'est terminé. Mais c'est là-dessus que je suis d'accord. Ta dernière mais shot, gars, je chialerai pas aujourd'hui. Gars, je suis tout à fait d'accord. Puis ça, c'est ma pensée à moi. Exactement. Cette année, vous avez appris. Là. L'année prochaine, vous avez bien eu à montrer que vous êtes prête. Puis l'année prochaine, si jamais ils montrent qu'ils sont pas prêts, bon, voici ma phrase. Je te dis. Après ça, je vais être dans le même bateau que vous autres, en train de chialer comme le calice. Vous dites là, ils ont eu assez de chance. Ah, c'est ça, mais là. Cette année, je suis prête à le laisser Montréal. Passer pour que l'année prochaine, vous montrez que vous êtes là. Montréal, l'année prochaine, s'il joue en bas de 500 dans les 20 premières games, mettons 20-25 premières games, t'as rien, c'est ciao. Absolument. Ils ont joué 400, je pense, cette année, ou quelque chose comme 350. En bas de 400, c'est ça, c'est dégueulasse. Là. En tout cas, s'il joue en bas de 500, mais s'il joue en bas de 500, Therrien, lui, est parti. Si tu joues 500, tu vas pas essayer. Après ça, c'est Bergevin. C'est sûr que Therrien est sur ses éjectables. J'ai des doutes sur Jeff Molson. Jouer 500, c'est un propriétaire. Arrête, qui pourrait mettre... Oui, mais avant, ouais, mais t'as un peu, c'est propriétaire, mais c'est lui quand même qui a le hold sur Bergevin. Ben oui, ça va être à lui de bouger. Son degré de patience est peut-être un peu. Hey, puis avez-vous remarqué comment que sa tête est trop grosse pour ses épaules, man? C'est vrai, c'est vraiment l'air d'un bobblehead, man. That's out of motion. Hey, c'est fou, man. Non, mais je sais, c'est juste une remarque comme ça. Une remarque gratis. Non, on paraît tout sérieux, ouais. Tu parles de bobblehead. Bon, fait que la période s'achève. Fait que je pense que c'est le temps de faire les derniers call-outs de la saison. Fait que un après l'autre, on pourra prendre le doigt. Puis ça va être Jeff commencer. On va y aller avec le thème. Je vais baisser le son de son micro. J'espère que vous êtes prêts. Là, je call-out l'organisation du Canadien de Montréal au complet. Laisse-moi parler. Premièrement, on a connu la pire saison dans le monde du sport au complet. Une fiche de 350. On change pas personne. Clément Jaudoin, il a l'air d'un prof d'économie. Est-ce qu'il s'excite quand vient temps le printemps? Daniel Lacroix, est-ce qu'il était coach des cassettes? Est-ce qu'il est à New York? Puis il s'aime pas comme rebobiner un VHS. Coach des cassettes? Ouais. Il regardait les vidéos. OK. Puis Michel Therrien, tabarnak, ton hostie power play, là, il a fini 25e. L'année passée, il a fini 25e. L'autre année d'avant, il a fini 23e. Tabarnak, c'est quoi les améliorations que tu vas faire, sacrement, est-ce? T'as rien fait de l'année, ton but c'est de préparer l'équipe. Puis en plus, on va parler de Sylvain Lefebvre, tabarnak. Coach, quatre années en ligne, calice, que t'as pas fait des playoffs. Ton but c'est de développer les jeunes. Il y en a eu quatre jeunes en 4 ans qui ont fait le club, tabarnak. Les Marlies de Toronto, ils ont eu 58 joueurs qui ont joué pour le club. Beaucoup trop toi, t'en as eu 41, puis tu trouves à dire « Oh, j'avais trop de joueurs à coacher. » Femme ta gueule, calice. C'est-tu parce que Pat Burns t'a engueulé trop souvent, est-ce que t'es rendu mêlé dans la tête? Bergevin, tabarnak, t'es entouré de Rick Dudley, esti. Lui, il a bâti les Trashers d'Atlanta. Sont où les Trashers aujourd'hui, sacrement? Sont dehors, calice. Pis toi, esti, sacrement, quand là, tu veux prendre des décisions, tu dis on va évaluer le club. T'évalues le club avant de prendre tes décisions, pas après, calice d'épais. Pis Molson, toi, tu t'assis à côté, pis tu souris. Asti, c'est le post-mortem. Tu commences à parler d'un gars qui est mort, puis après ça, on parle d'un gars qui a fait un RCV en écoutant la voix. Checker son face-maker. Asti, vous avez connu une année trop long. Je m'attends à quelque chose de mieux. Fuck you. Je coupe le call-out, c'est trop long. On va dire mon call-out, man. Malette, ta gueule! On s'applique à l'essai. J'ai plus de call-out à faire après ça, moi. Je suis bouche bée. Moi, j'en ai juste un à faire, un call-out, en fait. Moi, j'aurais peut-être à tigérer. C'est une thérapie pour les anger problems. Ouais, man. C'est une intervention, le podcast ce soir. Toi, Mallette, des Vicodins, ça te tente pas. Mallette, ça te tente pas de prendre pour les Hurricanes, man. Pourtant, les Trashers, les Hurricanes ont plus de points au Québec. Tu sais, quand tu compares les Canadiens, les Trashers. C'est plus de fun, man, pour de vrai. Man, apprends pour une autre équipe, man. Il faut ça à 50. Ça me fait du bien, quoi. Je pense que ça te ferait moins de pression. Non, mais il vient de sortir la Sting de tout le Québec au complet, je pense, pour la saison. Ouais, merci. Moi, le seul que je veux caller out, c'est Jérémy Filosa, là. Ben là. Non, mais... vas-y. On repart la toune. De un, Jérémy, si t'aimes tant le soccer que ça, arrête de parler de hockey puis parle de fucking soccer. Pis on s'en calise de Drogba qui t'aime pas, là. Puis si t'es un journaliste crédible, on veut pas les voir tes calices de photos au ballon blanc, tabarnak. T'as l'air d'une crise de dégue... Oh, je sais pas comment le nommer, esti. Il a l'air d'une douchebag. Il a l'air d'une crise de douchebag au ballon blanc, esti. Un esti de douchebag. Après ça, le monde me chie dessus sur Twitter parce que j'ai dit que c'est un kid Kodak. Tabarnak, avez-vous les photos cette année? Fuck off, là. J'ai Philosophe, t'es un kid Kodak ou t'es un journaliste, là. Décide, là. Attache un bouton. Ben, c'est les deux. Entre les deux, c'est un bimoro des sports. C'est le gars qui a pas de coup qui se met en photo dans Sportsnet avec genre un Indien puis un Chinois puis il dit il y aura pas ça à TV Québec. Ta gueule, esti! Comment s'appelle le fils de Brian Mulroney à Entertainment Canada? Mark? Ah oui, oui. Ben ça, c'est Jérémy Filosa du sport au Québec. Il s'habille en blanc, tout le temps sorti, avec la petite pitoune. Il s'aime des MDMO, mais c'est photo, mais genre comme Strumble Bullock. Mais c'est pour ça qu'il met ses lunettes parce qu'il est gelé comme une bague. Oh shit, le sens aussi. J'aimerais bien ça, moi, voir Renaud Lavoie au ballon blanc. Strumble Bullock. Je suis sûr qu'il est là. Il est là, mais il est pas dans la photo. C'est ils sont tous ensemble et dansent dans un petit coin. Il n'y a pas d'eau d'entrée. C'est malade. Je vais savoir ça. Avez-vous des cordes pour terminer le podcast? Non. Jeff a résumé tout ce qu'on pensait. Moi, je suis à Malade ta gueule. Non, moi, mon cord pour Philosophe, c'est parce qu'il me tape 5 dans. C'est juste un petit commentaire. Tu sais, comme un DG qui est bon, comme. Pour le reste, un DG que j'aimerais comment que Mac Benjamin agisse, c'est un petit peu comme Chicago. Ce gars-là, man, il engage tout le monde. puis il s'en calisse de la masse salariale. C'est Brian. C'est-tu quoi? Ah, c'est Brian. Il dit, sais-tu quoi, je vais dealer avec ça l'année prochaine. C'est ça qu'il faudrait qu'il fasse, Marc. Ça s'appelle Brian. Non, mais c'est entouré de ses amis, c'est ton country club. Non, non, non, mais tu sais, il a pris l'ad, il prend plein de joueurs, puis il sait qu'il va défoncer l'année prochaine, mais lui, il fait comme, sais-tu quoi, je vais dealer avec ça l'année prochaine. All the way. Il faudrait qu'à un moment donné qu'il fasse ça, qu'il fasse comme, sais-tu quoi, je vais dealer avec ça. Non, mais sais-tu quoi, je vais dealer avec mon problème l'année prochaine. Puis pas avoir peur d'être obligé de dealer avec l'année prochaine. Mais quand t'es joueur, il est gratteux comme une c'est ça, puis il manque de cojones. Non, mais ça, c'est à cause du président. Bon, je penserais pas. Je pense que c'est Bergevin. Non, c'est quoi Bergevin, c'est quoi moi je pense qu'il a peur. Tu dis il manque de cojones, mais c'est parce que qu'est-ce qu'il manque là? S'il les a pas, là, c'est parce qu'il a ben trop peur de se faire abrouer par les journalistes. Puis ils citent, les journalistes sont tellement intenses que t'as peur de faire un move parce que ce move-là, tu veux pas te faire reprocher pendant 3 ans de temps. C'est ça qui est arrivé cette année. Puis finalement, perdre ta job. Lui, là, il joue juste safe. Ouais. Démissionne. Mais le monde, il démissionne pas. Ben non, ils parce qu'ils sont ils font saquer. Ah, mais Mart, c'est ça qui est arrivé cette année. Fait que tu fasses pas de moves, tu vas faire critiquer par Joël. Ouais, si mais gars, il est obligé de rendre des comptes. Il est obligé de rendre des comptes de ça. Tu vas tout en faire critiquer par Joël. Si tu gagnes, il n'y en aura pas de trouble. Si tu gagnes, c'est correct. Ah, il n'y a pas d'affaire, gars. À Montréal. T'as une ligue de 30 clubs, tu peux pas gagner tout le temps. À Montréal, c'est ça. Faut toujours gagner. Même si on a des bons directeurs généraux dans la ligue, on est même pas capable de reconnaître. Hey, toi, tu prends pas ton jeu. Même si on a des bons. Je regarde pour améliorer l'équipe. Si on, même si on a un des bons. Là, je vais tant dire tout croche, c'est Marc, écoute, dis de même, tu vas être parfait. Même si on a un des bons directeurs généraux dans la ligue, on est même pas capable de le reconnaître parce qu'on a une saison perdante. On va l'évaluer l'année prochaine. On est en panique et on veut tout de suite le call ici dehors. Fait que Dave l'a dit en début de podcast, on s'est su qu'on recommence. Fait que ça va être ça pour l'année prochaine. On veut casser dehors, Alex, parce que si on se fait chanter un plan quinquennal, ça fait 15-20 ans. Les deux dernières saisons, on a fait les séries. Ça fait depuis 93, 94. Troisième ronde, deuxième ronde. Pas les playoffs. Ouais, mais avoue, les séries. Là. Les séries, ouais, c'est séries. Ouais, mais non, c'est notre série. Tu l'as même dit toi-même, si on va les séries, tout est possible. C'est juste ouais, ça qui t'a pas fait. Alex, français. Alex, tu l'as vu contre Kreider, il a dit au début de l'émission. Le film, c'est ça. Au début de l'émission, il a dit que la seule chose qui est importante, c'est de faire les séries. Là, il vient me dire, c'est la troisième ronde, la deuxième ronde, on régresse. Wow! C'est l'ironie. Ouais, non, mais. Arrête! On a un team d'un goaler pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, I'm done. I'm done. J'ai fait mon point. Merci beaucoup. Au revoir. Hey, le podcast est terminé. Vas-y, donne des points et claque la porte. J'ai un call-out à faire. Je vais mettre la thème. Moi, je vais faire un call-out, tabarnak. Je vais faire un call-out à toutes les compagnies de bière qui nous sponsorisent pas ici aujourd'hui à soir. Ah, on a un bon tabarnak. Pourquoi tabarnak? Parce qu'ici, ils se boivent plus de bière à tabarnak qu'au Centre Bell dans une saison d'hockey avec 42 games tabarnak. Je comprends pas comment ça qu'il n'y a pas une de la batte 50 ou je sais pas moi de la moussette qui nous commandite pas ou de la Sapporo n'importe quel crise de compagnie de bière amène-moi la calice de d'alchimiste Moldin il se boit plus de bière ici avant le show que dans trois bières dans le show complet tabarnak comment ça trois brasseurs nous donnent pas notre crise de bière à nous autres ouais. La vous nous suivez sur Twitter puis on a pas notre bière calice la jasette on peut-tu l'avoir cette bière là tabarnak on va aller délire ça pendant la on est pogné pour boire de la moussette ben c'est pas aussi une commandite, c'est une astuce de bambière. J'ai plus de voix. Fait que ça fait le tour de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast et du Canadien aussi. Ben suivez-nous Twitter, Facebook encore une fois cet été. Ça se peut qu'on fasse des épisodes spéciaux, ça se peut que non. Ça dépend si on est paresseux ou pas, mais suivez Young Media sur Twitter, Facebook. Vous allez voir la boutique apparaître dans les prochaines semaines. D'ici deux semaines, devrait être prêt. Ça, si Dave peut m'envoyer le logo de la jasette un jour, ça va être là. Bon, ça lave son linge sale. Ouais. Si tu dirais dans le podcast. À tous les jours, j'attendrai ça. Fait que, écoutez les beaux. Mais sinon, ben suivez la jasette si vous voulez nous entendre tout l'été parler de d'autres choses que du hockey parce qu'on regarde de parler d'autres choses. Vas-y, Dave, amène-toi. Non, non, c'est parce que j'ai envoyé le logo, mais c'est pogné dans son junk mail. Ouais, je t'ai mis direct dans les junk mail, tes hosties d'email. Junk mail, ça va direct dans la poubelle. Dans les poubelles. C'est parce que j'y envoie de la porn. Pas t'avais quoi dire pour terminer. Non, j'ai rien à dire. Fait que c'est ça, fait que. I heard porn? Non, toi, t'es c'est juste le signal pour dire. Tous tes yeux sont juste posés sur l'illuminier, genre mot hentai. C'est, c'est le signal pour dire qu'on s'en va dans la jasette. Fait qu'on s'en va l'année prochaine pour la saison 2016-2017. À la prochaine, tout le monde!